Bonjour et bienvenue sur le deuxième numéro de podcast Lounexus, qui n'a toujours pas de nom, à moins que si... Podcast Lounexus. On a trouvé un nom original. Alors Non, c'est génial, c'est génial. Et vous l'avez peut-être deviné dans le titre, vous l'avez peut-être deviné à l'écoute, hein, puisque c'est quand même les premiers mots qui ont été énoncés dans ce podcast. Nous allons parler des Simpsons avec, bien sûr, Nex Luad qui doit être aux anges actuellement. Ah oui, bien sûr. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast, bien entendu, ce deuxième épisode. Et oui, et bien sûr avec votre serviteur Yenoul. Alors, comment vas-tu mon cher Nex Luad ? Eh bien ça va très bien, on parle d'un sujet qui n'est pas réellement du jeu vidéo. Bon, il va y en avoir un petit peu je pense, mais c'est plus de la pop culture. Là maintenant. C'est ce qui nous permet de faire avec cet exercice de podcast, pas que du jeu vidéo, même si il y a pas mal de vidéos sur la chaîne qui sont un peu what the fuck, qui sont un peu... C'est ça. Et de la musique, il y a du bêtisier, des choses comme ça. Et donc, nous allons consacrer tout ce podcast aux Simpsons. Alors, pour les quelques personnes du fond qui ne connaissent pas les Simpsons, ce sont bien sûr les personnages dessins animés qui sont tout jaunes. Et qui sont déjà à l'antenne depuis plus de 30 ans, n'est-ce pas mon cher Nex Luad ? Eh oui, 33 saisons. Et si on compte pas les origines de des Simpsons, donc les Simpsons, c'est une série qui a été créée par Matt Groening, donc assez connu. Alors d'ailleurs, il y a un débat sur la prononciation de son nom d'ailleurs. Oui, alors moi j'avoue que je prononce le G. Je le prononce. J'ai lu grinding, peut-être pour les fans de skate. Ouais, alors ça pourrait être, avec le néerlandophone, on pourrait faire grooning. Grooning. Tu vois, donc, c'est vrai parce que c'est pas impossible. Il y a eu pas mal de références en plus avec du côté néerlandophone, donc je sais pas trop. Ouais. Donc du coup, ça a été créé par cette personne, donc Mike Grooning. Donc là, je vais faire avec cette prononciation-là, avec des petits courts-métrages qui étaient diffusés sur The Tracy Ullman Show en 87. Et ça a eu du succès et c'est un certain groupe de médias qui s'appelle la Fox qui a repris la bête pour faire ce que l'on connaît maintenant avec un premier épisode qui avait été diffusé en 89. Eh oui. Et c'était le début des Simpsons. Ça remonte. Exactement, ça remonte. J'étais pas né. Hein. Nous n'étions pas nés. Donc ça remonte vraiment, il y a très longtemps. Exactement. Ça va partir en imitation, c'est mal barré. Alors les Simpsons, c'est bien sûr cette famille, notamment ça c'est les plus connus, au niveau des personnages, il y a les cinq, comme les doigts de la main. Tu dis les doigts de la main, mais les Simpsons n'ont que quatre doigts. Ah mazette. Ah, ils sont pas réellement 5. Mais oui, mais tellement petit, le cinquième doigt, que on le voit pas. C'est ça. Donc il y a Homer, le papa. Oui. Il y a Marge, la maman. Il y a l'aîné, Bart. Exact. Bartholomé. Il y a la petite fille, Lisa. Et la plus petite fille, le tout bébé, Maggie Simpson. Margaret Simpson, ouais. C'est ça, exactement. On entend donc quelquefois ces quelques mots. Hein. On va pas les dire ici pour pas trop spoiler quand même. Ah, ce serait dommage. Ça serait dommage, mais elle a quelques mots. Un détail doublé par la même personne en français que Lisa. D'accord. Ça, je le savais pas. Ah ouais. Et donc, c'est cette petite famille qui habite dans la ville de Springfield, il me semble. On ne sait pas exactement quel Springfield, hein, parce que ce Springfield, il y en a... Dans quel état ? Il y en a énormément aux États-Unis. Et oui, en fait, il y a même sur un épisode, sur un des derniers, genre, je pense dans la saison 31, Homer va à Boston. D'accord. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Vous vivez dans quelle ville ?» Et il dit « À Springfield ». Et le mec répond « Mais dans quel Springfield ? Dans quel état ?» Il lui dit « Ah, mais je ne sais plus ». Il répond comme ça. Donc ça m'avait fait sourire, vraiment sourire. Bien joué. Evergreen Terrace, il me semble, pour l'adresse. C'est ça. Ça revient. Exactement. Evergreen, la rue qui sent la ruine. C'était aussi un truc de la série. Je vais avoir beaucoup de références, je suis désolé. C'est ça qui est bien. Ça va être mortel pour ça. Ça va peut-être être inécoutable. Et on suit les aventures de cette famille, notamment, avec plein d'autres personnages, évidemment, autour. Et ce qui est très intéressant dans ces épisodes, entre 20 et 30 minutes, chacun. C'est plus ou moins ça. La norme est entre 20 et 30 minutes, oui. Qui, donc par saison, une saison par année, d'où les 33 à l'heure où nous enregistrons ce podcast, évidemment, puisque c'est pas prêt de s'arrêter, cette histoire, vu comme c'est parti. Non, pour l'instant, ça continue toujours, hein, ça continue toujours. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une critique de la société classique, états-unienne, moyenne, américaine, avec ses travers, ses défauts qui sont mis en exergue avec beaucoup d'humour. Et c'est toujours une plume très très sympathique, et ça se prend vraiment bien, assez rapidement finalement. Quand on regarde un épisode des Simpsons, c'est toujours très agréable et on se marre un bon coup. C'est vraiment ce que tu as dit là, en fait je reviens sur ce que tu as dit, donc une critique de la société, c'est vraiment ça, ah oui. C'est-à-dire une critique de la American Way of Life, mm-hmm. C'est-à-dire vraiment critique de la société à l'américaine. La façon de vivre à l'américaine, oui. C'est ça, exactement. Il y a eu des scandales récemment sur le côté la femme à la maison, l'homme, etc. Et toujours maintenant, disant que les Simpsons ne sont pas respectueux. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Alors là, on va toucher un point assez, assez sensible. Allez, ça y est, on commence, vas-y. Mais on va commencer parce que je ne suis pas d'accord, parce que justement, c'est une critique de la société. Donc, c'est-à-dire que Matt Groening, dans la création des Simpsons, il critique aussi le fait que Homer, c'est l'homme qui doit ramener salaire, etc. Marge, c'est la femme au foyer, etc., etc. Pour moi, il critique cette histoire-là. C'est comme le fait que Bart, c'est encore différent, mais plus Lisa est plus ou moins bridée dans le fait qu'elle soit intelligente, mais que les systèmes éducatifs dans lesquels elle évolue est loin d'être parfait, etc., etc. Donc, pour moi, à chaque fois, c'est une critique acerbe. En plus, une critique sur la chaîne Fox, c'est-à-dire sur une chaîne qui est loin d'être une chaîne de gauchistes. Hein. Oui. Donc, il a réussi à faire ça. Et c'est pour ça que les Simpsons restent véritablement un truc de critique de la société, un dessin animé, un sitcom de critique de la société, plus qu'autre chose. Et ce qui est fort, c'est que, comme c'est implanté depuis tant d'années et que c'est un succès fou, ils ont quand même un statut d'intouchable par rapport à ça, dans le sens où, pour déboulonner la série, ça va être très compliqué, puisque il y aura beaucoup de monde derrière qui vont gueuler, quoi. Oui, il y a ça aussi, et puis il y a aussi le fait que quand tu crées quelque chose dans les années 80, tes curseurs ne sont pas les mêmes. C'est pour ça les personnages comme Apu, ça en revanche, ça a plus du mal à passer les années, parce que justement la société évolue, le respect évolue aussi, le respect de toutes les communautés évolue, et donc du coup ce genre de personnage commence à devenir un peu plus problématique, parce que justement ces personnages-là n'évolue pas réellement, quoi. Ouais. Donc du coup, il y a ce petit côté, mais bon, ça fait 33 ans que c'est là, et c'est assez compliqué aussi de critiquer comme ça. C'est un sujet, hein. C'est vraiment un sujet bien sûr. Assez intéressant en plus, hein, parce que oui. ça montre l'évolution d'une société au travers d'une série. Je sais pas s'il y a d'autres possibilités de le faire avec d'autres séries, parce que même South Park, pour citer eux par exemple, qui sont très critiques et avec une critique très acide de la société, et ben c'est plus sur le coup, en fait. C'est-à-dire que les épisodes que tu regardes de South Park des premières saisons, ils sont complètement dépassés. Tandis que tu regardes un épisode des Simpsons de la saison 2, 3, 4, 5, même saison 10, etc. Ça a encore des échos aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup plus fort que les South Park. Même si j'aime beaucoup South Park aussi. Tout à fait, des sujets plus intemporels que de la réaction à chaud par rapport à l'actualité. Même s'il y en a, mais c'est vrai que c'est plus le cas dans les Simpsons. Tu le vois par rapport aux élections présidentielles américaines, par exemple. Oui. Tu vas voir l'évolution en fonction de ça. Tu vas voir, par exemple, quand il y a des grandes catastrophes, tu vas le voir aussi, la montée du terrorisme. Enfin, tout du moins, cette vision du terrorisme après le 11 septembre, surtout. Mm-hmm. Des trucs comme ça, tu vas le voir. Il va y avoir des changements majeurs dans la vision des Simpsons, etc. Mais tu peux regarder un épisode de la saison 8, 9, etc. et te dire, bon, ben ouais, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. C'est normal que la société change et que, bien sûr, les points de vue changent, les opinions. Il y a aussi les équipes, puisqu'en 33 ans, j'imagine que la réalisation, le scénario, l'écriture, l'équipe d'animation, les voix, les comédiens, tous ces gens ont aussi évolué eux-mêmes. Et puis, il y a aussi les équipes qui changent. En fonction du temps. Ça, c'est obligé. À un moment donné, tout change. C'est très compliqué de garder une même équipe en 33 ans. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens, même en France, hein, du coup, parce que vu que la double... Mm-hmm. On va pouvoir en reparler plus tard, mais la version française est quand même assez, assez cultissime. Mais pareil, les doubleurs, ils ne sont pas éternels. Et malheureusement, y a un moment donné où ça coince, parce qu'en 33 ans, il peut se passer pas mal de choses. Bien sûr. Donc du coup, oui, il y a toujours eu une évolution. Puis pareil pour tout ce qui est scénariste, showrunners, etc., où il y a eu pas mal de changements, mais tout en gardant une même identité. Il y a toujours cette identité. Après, on pourra reparler de ce qui se passe, parce que pour moi, les Simpsons, ça se divise plus ou moins en trois parties, plus ou moins, au niveau de la série en son ensemble. Ouais. Mais il y a toujours une même ligne directrice qui est, on va parler de la famille, à part quelques épisodes où c'est un peu différent, mais sinon on parle de la famille des Simpsons qui évolue en fonction de certains thèmes. Tout à fait, c'est le noyau. C'est vraiment le noyau. C'est pour ça que ça s'appelle les Simpsons. Oui, c'est ça. Donc, D'ailleurs, premier débat, les Simpsons ou The Simpsons? Alors c'est très simple, c'est The Simpsons situé aux États-Unis et les Simpsons situés en France, parce que le truc a réellement été traduit, donc on enlève le S. Si, j'ai regardé sur les comics que j'ai et il y a marqué les Simpsons sans le S à la fin, bon, sans rien. Bon, au moins voilà, c'est réglé. J'ai regardé parce que j'étais pas sûr. C'est le noyau dur de la série, bien sûr. Les Simpsons, les cinq personnages, la grande famille. Il y a par extension, bien sûr, des personnages récurrents de la famille étendue, que ce soit Abraham Simpson, bien sûr. Patty et Selma Bouvier. Bien sûr, il y a tout un niveau qui se crée autour de la grande famille. Puis, après, exactement, les belles-sœurs, la grand-mère, le grand-père, etc. etc. Et nous avons, bien sûr, tout le voisinage et toute la ville, puisqu'il y a vraiment une vie qui se crée avec tous les personnages et tout ce qu'ils font, avec leur caractère, leur personnalité. Homer qui a, bien sûr, donc comme tu le disais, il ramène le salaire à la maison parce qu'il travaille. Enfin, il travaille. Il occupe un poste à la centrale nucléaire de Springfield. Très jolie imitation de... Merci. Très bien, de Monsieur Burns. Et bien sûr, dirigé par le très gentil et affable Monsieur Burns, qui est encore une critique du milliardaire qui veut absolument tout contrôler, qui a des fortunes pas possibles, mais qui est très proche de ses sous. Voilà, comme Picsou. Un Picsou, oui, c'est ça. C'est, pour moi, c'est presque, tu sais, le Monsieur Monopoly, tu vois. Bah oui, faut tout récupérer, etc., dans la ville. et assez rigolo. Il y a d'ailleurs, il y a toujours même un rapport, tu vois, du milliardaire, millionnaire. Qui veut rentrer en politique, qui veut faire des trucs comme ça. Donc il y a toujours ce petit côté assez sympa, assez critique. Assez acerbe. Mais sympa dans la critique, en fait, de la société. Bien sûr. On peut toujours y revenir, de toute façon, à ça. Critique de la société dans les Simpsons. Oui. Et moi, je voulais te poser une question un peu plus légère. Vas-y. C'est quoi ton premier souvenir, vraiment que tu te souviens, pas forcément le premier contact, mais le premier souvenir des Simpsons? Alors, les Simpsons, ça fait partie de ces dessins animés, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais ils sont pas forcément pour les enfants, puisque là, on est en train de parler vraiment, voilà, c'est une sitcom, c'est une critique, etc., etc. Et je me rappelle, c'était sur Canal+, le premier diffuseur en France des Simpsons. C'est ça, ouais. Et j'ai été surpris de voir tout ce truc coloré, cette bonhomie, ce dessin très rond, et avec pas une interdiction, mais une prévention, pour dire attention, c'est pas pour tout public. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a des petits gros mots, il y a une voix marrante, et à un moment, je me rappelle très bien, lors d'une finale, je pense, une finale du Super Bowl, je sais qu'il y a Homer qui, je sais pas s'il regarde ou s'il transforme le touchdown, et en fait, c'est la jambe qui part. Oui, je vois l'épisode. Tu vois, c'est la jambe qui part et qui transforme le truc. Et quand j'ai vu la jambe détachée avec le sang et tout, je me suis dit... Oui. Ah oui, c'est vrai. Et je sais, c'est mon premier souvenir des Simpsons qui m'a fait réaliser aussi que le dessin animé pouvait être juste un média pour dire des choses et pas forcément dessin animé égale média pour enfants. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Et c'est un épisode tard, en plus, celui-là. Ouais. Je sais plus quelle saison c'est, mais ça reste... Pour moi, c'est dans la deuxième... J'appelle ça la deuxième partie, c'est-à-dire une partie où c'est plus... Le format d'image était passé à un format un peu plus large. D'accord. Pas encore de la HD, hein, mais vraiment un format plus large. Le dessin était un peu plus lissé par rapport... Ouais. Je veux dire, jusqu'à la saison 9, le dessin est un peu plus... On le voit, l'image est un peu... On peut le voir encore même sur Disney+, hein, parce que maintenant, c'est diffusé sur Disney+. Oui, puisque Disney a acheté la Fox, et comme... Par extension, du coup, les Simpsons se sont versés dans l'univers Disney. Marge Simpson est une princesse Disney, exactement. C'est ça. Et donc, du coup, l'image est un peu plus lisse, et c'est à cette période-là qu'il est sorti. Donc, c'est quand même déjà assez tard dans la série. On est déjà à plus de la saison 10, dans mes souvenirs, hein, parce que voilà, moi je vais te raconter mon côté. Oui. Alors moi, mon anecdote de la première, enfin le premier contact avec les Simpsons, ben, c'est aussi Canal. Ah bah. Voilà, comme ça, moi, c'est clair, c'est Canal. Et c'était, alors, c'était l'épisode, je me souviens, c'était, je crois que ça passait le dimanche soir, mais ça, j'en suis pas très sûr. Ouais. C'était l'épisode Homer l'hérétique, où Homer sèche l'église, donc la saison 4, hein, donc je crois que c'est l'épisode 3 de la saison 4. Et donc, du coup, Homer sèche l'église et il se fait rattraper par ça, parce qu'il y a quand même ce petit côté religieux aussi, c'est assez particulier. Et je me souviens de cette image, et ça m'avait scotché. J'avais adoré le personnage d'Homer. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré, Homer Simpson. Ouais. Si on devait en choisir un, ça serait celui-là, je veux dire. Et donc, du coup, ça m'avait marqué parce que je l'avais vu pour la première fois et j'ai complètement accroché. Et après, ben, ça a commencé à binge-watcher. C'était un mot qui n'était pas trop utilisé. Donc, regarder en série les épisodes des Simpsons sur Canal. Mais il n'y avait pas que Canal, parce que moi, je n'avais pas tout à fait Canal. Je me souviens qu'à un moment donné, ça passait sur... je me demande si ce n'était pas France 3. Là, je pourrais pas te dire. Possible. Enfin, j'ai plus de souvenirs. Là, j'avoue, je me souviens plus trop. Mais Canal, on est sûr. Canal, c'est sûr et certain. Parce que ça, je me souviens avec le fameux logo. Mais j'ai l'impression de mélanger un peu tout. Mais c'est avec le logo, tu sais, le disque arc-en-ciel. Ça, c'est l'ellipse. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est Canal+. Non, mais c'est d'ailleurs mes souvenirs. Oui, ça, c'est Canal, mais je sais plus si c'était lié avec les Simpsons. Simpsons. Donc, c'est possible. J'ai un petit doute, mais voilà. Ouais, ouais. C'était un de mes premiers souvenirs Simpsons, c'était ça. Dieu, je voudrais savoir une chose. C'est quoi le sens de la vie ? Homer, je ne peux pas te le dire. Allez. Tu le découvriras quand tu seras mort. Je peux pas attendre si longtemps. Tu ne peux pas attendre 6 mois ? Non, dites-le-moi maintenant. Bon, d'accord. Incroyable. Ben oui, de toute façon, ça fait que bercer. Après, j'ai eu les DVD, j'ai eu etc. T'as mordu. J'ai mordu. Qui sont derrière moi les DVD. Nos premiers contacts avec la série nous a fait accrocher, quoi. Oui, ouais, c'est complètement ça. Et... c'est pas tout le temps. Hein. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que par exemple, alors là, on parle de la France. Ouais. Mais donc, moi, je suis en Belgique. Non. Ma compagne me disait qu'elle, c'était pareil. Donc, du coup, elle, c'était sur une chaîne publique. Enfin, pas publique, mais fallait pas payer d'abonnement pour la voir. C'était Club RTL. D'accord. Pareil, diffusé, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que encore maintenant, c'est encore Club RTL qui a les droits. Ah. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les saisons actuelles des Disney+, je peux pas les voir parce que j'ai pas vu la saison 32 et 33 parce que c'est Club RTL qui a les droits pour l'instant. De diffusion, mais c'est des diffusions limitées. Mmh. Et donc, du coup, je n'ai pas vu. Enfin, elle a ses souvenirs de regarder les épisodes de Simpsons, etc. Et encore maintenant, le dimanche. Tu as, je sais pas, une dizaine d'épisodes, alors j'exagère peut-être, mais 5 ou 6 épisodes à la suite des Simpsons l'après-midi sur Club RTL. C'est vraiment étonnant. C'est chouette. Très très chouette, ouais. Et les doublages sont en français. Ah oui, non, les doublages, c'est doublage francophone, ouais, français. Version française. Français-France, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est réputé, la version française est réputée pour l'être. Oui, alors. Vraiment de très très bonne qualité. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de qualité, donc avec Philippe Pétieux. Véronique Augereau. C'est Augereau hein, qu'on dit. J'ai ouais, peur de d'écorcher son nom. D'écorcher son nom. Ils sont vraiment couple dans la vie. Et oui, c'est ça, exactement. Donc, en plus, Philippe Pétieux fait réellement la voix de Homer, mais il fait aussi la voix de l'intégralité de la famille Homer, on va dire, comme ça, Homer Simpson. C'est-à-dire qu'il fait aussi Abraham. C'est vrai. Et Véronique Augereau fait aussi Patty et Selma. Et la mère de Marge, j'ai oublié son nom, qui est Jackie Bouvier. Pour le truc qui fait donc le même nom. Et Patty et Selma, ce sont les sœurs de Marge, bien sûr. Et donc du coup, on va parler un peu du doublage. Oui, bien sûr. Tant qu'à faire enchaîner. Donc il y a les voix originales américaines qui sont pas mauvaises. Hein. Oui. Mais... heureusement. On est bien d'accord que les voix françaises sont véritablement cultes chez nous. C'est sûr. Et alors, j'avais eu, je sais plus si je t'en avais parlé, mais je vais le dire pour ce podcast. Ouais. Et donc, du coup, c'était pour les voix québécoises. On m'a volé ma chemise. Je viens juste de laver. Oh, je te remercie, Marge. Oh, Rose. Marge, je peux pas porter une chemise rose à l'usine. Tout le monde porte une chemise blanche. Si j'étais populaire, ça irait, mais c'est pas le cas. Allons, Homer, panique pas, c'est plein de chemises blanches dans le. Oh, une chemise blanche. Oh non, Rose. Tout est fini, Marge. Tout est fini. Oh non. Je me demande comment ça peut se passer. Et alors, les voix québécoises, je pense que tu vas pouvoir mettre un extrait avant ou après. Les voix québécoises sont, pour nous, totalement inécoutable. C'est une atrocité sans nom. Véritablement inécoutable. Et c'est assez terrible. C'est parce que je parlais avec des Québécois. Et eux, c'est l'inverse. Et oui, c'est normal. C'est-à-dire que c'est nos voix qui sont complètement inécoutables. Et c'est les voix québécoises qui, pour eux, sont vraiment bien. Et pourtant, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une culture. Bien sûr. Parce qu'il faut vraiment l'écouter une fois. C'est assez atroce. Hein. C'est vraiment assez atroce. Ça vaut le coup de voir la différence de traitement avec... notamment Homer, hein, vraiment là. C'est... Ah oui, Homer, c'est, je pense que c'est même le pire. parce que à la rigueur, Marge a toujours cette voix un peu éraillée, etc. Ouais. Qu'on a dans la VO. Mais Homer, c'est. c'est un peu. voilà, c'est vraiment très caricatural, mais c'est. ça change véritablement du Homer qui a une voix qui a une tendance à partir dans les aigus. Tandis que là, c'est vraiment une voix très grave et éraillée, là aussi, pour Homer québécois. Je pense que les personnes qui ont commencé avec la version française. De France oui. apprécient cette version et ceux qui ont grandi avec la version française québécoise apprécient cette version là, c'est normal. Hein, je pense que c'est normal. Et dans mes souvenirs, je pense qu'il y avait même Matt Groening qui avait dit que la voix française n'était pas mauvaise. Mais ça, j'arrive pas à retrouver j'arrive pas à trouver si c'était vrai. C'était la meilleure. Il y avait même une petite interview où il essayait de se rappeler le gimmick de Homer Simpson qui est bien sûr oupinaise et qu'il aimerait bien intégrer ça mais en VO. Ouais. C'est-à-dire que la voix d'origine, en anglais, dirait un oupinez, quoi. Alors, je sais pas si ça a été fait depuis. Mais il y a vraiment ça, qu'il y avait des trucs, il y avait le fameux do aussi. Enfin bon, il y a plein de trucs qui sont liés à ça, sur les gimmicks de... On me dit dans l'oreillette que comment se dit oupinez en version originale ? Eh bien, c'était tout simplement à l'origine « Oh my God ». Qui est devenu au fur et à mesure en français... Oupinez. Eh bien, je préfère le oupinez. Hein. Ça, qui est quand même beaucoup plus drôle. Et puis, en plus, il y a vraiment... Enfin, je veux dire, c'est pas très très souvent qu'on se souvient des doubleurs français. Enfin, même doubleurs tout court, en fait. J'aime bien qu'aux États-Unis, on a plus une culture du doublage qu'en France. Enfin, maintenant, ça commence à arriver, hein, de plus en plus. Oui. Mais en France, c'était pas très connu. Pourtant, Philippe Pétieux, tout le monde le connaît. Enfin, tout le monde le connaît en tant que voix de Homer. Bien sûr. Véronique Augereau aussi. On les connaît là-dessus, clairement. Oui. Et par exemple, y a eu... est-ce que je spoil ? Bah, tu le dis avant. Oui, je vais spoiler parce que c'est quand même assez important. Attention, on va divulgacher. C'est pas très, très divulgacheur, mais par exemple, il y a la doubleuse de Edna Krabappel, je veux dire dans la voix originale, hein, qui s'appelle Marcia Wallace, est décédée. Parce que, bon, bien entendu, sur 33 ans, il peut se passer des choses. Malheureusement, elle est décédée. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que le personnage de Anna Krabappel est décédé dans la série. Et alors, ça paraît bête, hein, mais ça veut dire qu'il y a un respect du comédien, il y a un respect du doublage. Ça marque un truc, c'est-à-dire que cet épisode-là, enfin, ce personnage-là, il est lié à cette doubleuse, du coup. Ouais. On garde en mémoire en disant, mais voilà, ce personnage-là, il n'est plus là, mais on le garde en mémoire pour rendre hommage aussi. Hein. On remplace personne. Alors qu'en France, l'animation n'a pas suivi, puisque dans l'équipe qui sont malheureusement décédés, hein, ils ne sont pas partis de leur bon vouloir, hein, parce que quand tu es sur les Simpsons, je pense que tu as vraiment envie de conserver les rôles, ça doit être vraiment un pied à doubler. Donc il y avait Patrick Guillemin, qui faisait les premières voix de Ned Flanders, notamment. Ah ouais. Le voisin adoré oui, de Homer. Voisinouné. Et qui, pour la petite anecdote, faisait aussi la voix de Daffy Duck, Patrick Guillemin. Nous brûlons à cause de la friction de l'atmosphère, Batman. Qu'est-ce qu'on va faire ? Notre seule chance est d'aller encore plus vite, Robin. Plus vite ? Mais on va être réduit en cendres, oui ? C'est pas sûr. En allant suffisamment vite, nous réussirons à dégager les forces anti-gravité. Il restera plus qu'à ralentir avant que la patte fusée se mette à fondre. Accroche-toi, Robin. Ouais, c'est cette voix-là. Ouais, le vendeur de BD, enfin, pas mal de personnages secondaires... dans la première partie des Simpsons, comme j'aime bien le dire. Je crois que c'est jusqu'à la saison 6 ou 7. Après, il y a Michel Modo, qui a une voix très nasillarde et qui fait énormément de personnages secondaires. On parlait de Monsieur Burns tout à l'heure. Ouais. Le chef Wiggum. Moses Lack. Peut-être. Moses Lack, c'est... Elle a fait sur deux saisons. Ah, au début. Au début, ouais. Ouais, ouais, t'as raison, il a changé de voix. Ah ouais, mais enfin, Moses Lack a eu énormément de voix différentes. Ouais. Ça fait partie des cas qui ont eu beaucoup de voix différentes. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et Michel Modo, donc, qui a été remplacé par Gérard Rinaldi, le comique troupier des Charlots. et qui malheureusement est mort aussi, quoi. Donc là, il y a une petite... c'est un peu le souci. Il y a un petit truc maudit. Ouais. C'est un peu le souci de ces personnages, etc. Malheureusement, c'est 33 ans. Enfin, Mais c'est ça. C'est obligé qu'à un moment donné, ça coince quelque part à ce niveau-là. Après, ça reste mythique. Je veux dire, bien sûr. La voix. Par exemple, j'ai eu du mal avec, dans la saison 7, la voix de Lisa. Donc, d'accord. Qui avait changé, ouais. C'est Chantal Massé donc, qui fait cette voix-là. Ouais. Mais là, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a eu un problème. Parce que sinon, c'est Aurélia Bruno. Oui. Qui est toujours là encore en place, d'ailleurs. Mais il y a eu un changement sur la saison 7 qui était pour moi pas très bon. D'accord. Donc voilà, ça... et puis Bart aussi a eu des changements qui étaient assez moyens. Joël Guigui qui a inventé cette voix très assez reconnaissable et qui est très difficile à imiter. Donc ouais, c'était la petite parenthèse version. Bah ouais. Et donc pour finir, j'avais écouté la version espagnole lors d'un voyage scolaire. Incroyable. Que on avait parlé avant machin. Ouais, et donc ouais. Du coup, la voix espagnole est bien plus proche de la voix québécoise. Donc vraiment cette voix de Homer un peu comme ça, un petit peu un petit peu parisien, enfin accent parisien du 19e siècle. Hein. Et donc du coup c'était un peu bizarre, mais bon, vu que je connaissais je connaissais l'épisode par cœur, il y avait pas trop de problèmes même pour l'espagnol. Oui, bah je me doute. C'est jamais trop des vocabulaires très compliqués dans les Simpsons. Et c'était l'épisode Derrière les rires de la saison 11. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil, une petite anecdote de Simpson. Todo el mundo quería algo de nosotros. Nos decían qué usar, cómo vestirnos, qué ropa debíamos ponernos. Me vieron conduciendo en la acera. Yo no debí conducir la ceremonia del Oscar. Cuando acabó, Meryl Streep me escupió encima. Ça, c'est beau. Donc, tu as vu dans 4 langues déjà. Plus même, hein. Je pense que j'avais vu une version allemande. Est-ce que tu as eu la curiosité avec les DVD que tu as d'aller piocher dans les langues qui sont disponibles ou pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, au moins, c'est clair. En fait, le problème, c'est que, sans être chauvin, je trouve que la version française, et c'est pas le cas dans tous les dessins animés, dans toutes les sitcoms, etc., mais la version française est véritablement quali. Ah oui, oui. Je veux dire, par exemple, un truc tout bête, etc., mais... etc. un truc tout simple. Dans les années 90, il y avait Friends, qui était une série quand même très regardée, très très connue, exactement. Mais pour moi, le doublage ne suit pas. Enfin, il n'est pas mauvais, mais ça ne suit pas du tout. Enfin, véritablement, c'était pas d'une qualité exceptionnelle. D'accord. Tandis que les Simpsons, il y avait quand même un truc où il fallait retravailler la blague dans certains cas, ça fonctionnait, quoi. Pourtant, il y avait des blagues, c'est pas forcément évident à retravailler, quoi. Et par exemple, comme tu disais, le Houpinaise, ouais. C'est complètement un truc retravaillé qui fait que c'est même des fois mieux que la version originale, quoi. Qui était un simple oh my god. C'est le boulot de l'adaptation. C'est très bien fait. Ouais. Oui, alors la difficulté aussi, c'est, on parlait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnages, et c'est quand il y a des célébrités, ouais, qui sont invitées dans les Simpsons. Peut-être que je me trompe, mais à chaque fois qu'il y a une célébrité, c'est la célébrité elle-même qui prête sa voix au personnage des Simpsons. Ça va dépendre, par exemple, je sais bien qu'il y avait eu un épisode, c'était sur la saison 3, où il y a un mec qui sort d'asile psychiatrique. Excellent épisode. Exactement, qui se prend pour Michael Jackson. Ouais. Et dans mes souvenirs, c'est pas la voix de Michael Jackson. Il voulait, mais il y avait eu les scandales de l'époque, apparemment. Alors j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que... Oui, on est au début des années 90. Hein. C'est ça, ouais, je crois que c'est 92, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment là où tout a remis à la surface, ces affaires justice. Ouais. Et en fait, c'est très drôle, parce que toutes les voix parlées, c'est Michael Jackson, ouais, en VO, et toutes les parties chantées, c'est pas lui, c'est un imitateur. Ah, voilà, donc ça je savais pas. Ça. Parce qu'il y a une question de droit par rapport à l'agent, pour pas être cité, d'ailleurs dans le générique de fin, il n'y a pas son nom non plus, il y a un pseudo, comme pour Sonic 3, c'est... Ouais, ouais, c'est assez connu ça. Le mec, il est derrière, mais il est pas là. Et le plus drôle, je sais pas si tu le sais, alors sinon ça serait marrant de t'apprendre un truc sur les Simpsons, mais il y a une chanson... Oh, je connais pas tout, hein. Il y a une chanson sur pour Lisa Simpson, ouais, qui est faite donc par ce personnage qui se prend pour Michael Jackson. Et en fait, on peut trouver la démo qui a été composée et chantée par Michael Jackson, où t'as Lisa, it's your birthday, happy birthday Lisa, Lisa, it's your birthday. Il s'est vraiment impliqué dans l'épisode parce qu'il a jusqu'à composer la chanson inédite de l'épisode, quoi. Donc c'est pas pour rien. Et il restait juste qu'un petit problème de droit et un petit problème d'image pour avoir 100% Michael Jackson dans l'épisode, quoi. Ça, c'est un truc à savoir. J'avais entendu ça, je m'en souvenais plus. Je dois avouer que je m'en souvenais plus du tout. Bon, ça fait plaisir. Mais alors là, voilà, quand il y a les célébrités et que c'est vraiment les personnes qui prêtent leur voix et donc qui prêtent à la caricature aussi, puisque c'est un jeu, ben, le faire en français, là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut trouver les comédiens. Et ce qui était bien, c'est dans l'épisode où il y a David Duchovny et Gillian Anderson. Ouais, très très bon épisode aussi d'ailleurs. Incroyable. Eh ben, c'est les voix, c'est même plus, c'est les personnages de Mulder et Scully, quoi, carrément. Ouais, c'est ça, je savais que c'était eux. Mais même pas que ça, tu vois, par exemple, à un moment donné, Homer fait un camp de vacances, on va dire, sur le rock'n'roll, et c'est avec les membres des Rolling Stones. Ah ouais. Et alors, ce qui est assez chouette dans cet épisode-là, parce que je pense que sur la version Disney+, il faudrait regarder, mais à la fin... on voit les Rolling Stones enregistrés, c'est-à-dire dans le générique, il y a des rushs de vidéos. Génial, ça. On voit les Rolling Stones au micro en train d'enregistrer leur voix. Et ça, je trouve ça excellent, vraiment excellent. Après, dans les épisodes plus récents, il y avait Elon Musk, etc. Je ne sais pas si c'est réellement Elon Musk qui fait sa voix. J'ai plus ou moins des doutes à dire ça, mais franchement, je ne le sais pas. Oui, parce que... je ne le sais pas du tout. À l'origine, l'apparition d'une célébrité, c'était vraiment parce que Matt Groening et puis, enfin, les scénaristes de l'épisode appréciaient cette célébrité. Ouais. Quand t'as McCartney, t'as Barry White, très gros défi de doubler Barry White en français quand même. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui est très réussi l'épisode aussi. Hein. Oui, oui, oui. All the snakes. J'ai découvert Barry. Alors, je connaissais pas. J'ai découvert Barry White. Via l'épisode des Simpsons. Bah merci les Simpsons. Sur le jour de la raclée, saison 4. Aussi. Bah ouais, encore la saison 4 finalement. Ouais, mais la saison 4. Déterminante. Ouais, clairement. Ça a été. Je suis en train de regarder des évolutions d'audience par les saisons. Ouais. Tu vois, par saison. Et c'est la saison 4 peut-être qui... En fait, ça a commencé très très haut avec la saison 1. D'accord. Ça a commencé à dégringoler et il y a eu un pic sur la saison 4. Et moi, le pic pour moi, il est mérité. Et après, ça s'est écrasé et il y a eu un pic à la saison 12, un autre pic, mais beaucoup moins élevé que le reste. Et après, ça a fait que dégringoler jusqu'à maintenant, la saison 31. Mais parce que faut dire que maintenant, au niveau audience, c'est plus comme avant. Hein. Les Simpsons sont beaucoup moins regardés. Mais bien sûr, c'est la routine, quoi. Ouais. C'est beaucoup moins regardé qu'avant. Il y a moins d'impact. Hein. Moins d'impact, les gens ne regardent plus trop la télévision maintenant. Il y a plein de trucs qui font que, et puis il faut pas croire, il y a aussi y a plein de facteurs, le fait que les Simpsons, bon ben maintenant les Simpsons l'ont déjà fait, hein. Ouais. Ça veut dire que ça commence à être un peu rouillé, et la dernière saison que j'ai vue, c'est la saison 31. Oui. Ben elle va pas m'accrocher à un rire tout le temps, quoi. Il y a des trucs qui vont me faire sourire, mais ça a perdu de son charme. Ouais. Et on peut d'ailleurs enchaîner sur le fait que maintenant, quel est ta... je vais pas dire épisode préféré, c'est compliqué, mais quel est ta période préférée, tes épisodes préférés? C'est vrai que... compliqué, hein. Ouais, c'est très compliqué sur... il y a combien compliqué. D'épisodes par saison? Il y en a une vingtaine. Sauf la première, où il y en a une dizaine, il y en a 13 dans la première. Et après, ça tourne aux alentours de 20 à chaque fois. Il y a des faits marquants. Parce que ce qui est bien aussi dans les Simpsons, c'est pour ça qu'on en parle dans ce podcast tous les deux, qu'on peut en parler, parce que moi, niveau série, j'en ai pas beaucoup, j'en regarde pas beaucoup. Oui. Et les Simpsons en fait partie de ces séries que je regarde. Et à la limite, tu peux prendre un épisode à part, tu peux même en regarder pas mal, la majorité dans le désordre, c'est pas trop gênant. Ça commence et ça se termine. Oui, clairement. Ça, c'est un gros avantage. Il n'y a pas de fil directeur, c'est des épisodes qui sont indépendants. Voilà. Par exemple, qui a tiré sur Monsieur Burns de la saison 6-7. Voilà. Hein, où il y a un truc qui est encore, c'est petit, tu vois. C'est, exactement. Il n'y a rien. Et c'est un diptyque, quoi, c'est pas non plus. Ça va suivre deux épisodes, mais c'est pas gênant. Et il pousse le bouchon encore plus loin avec les Simpsons Horror Show. Ça, c'est pas mal, ouais. Justement, dans le sens où, quand je disais j'ai découvert les Simpsons avec un truc qui est pas forcément pour tout public, Simpsons Horror Show, y a ce truc-là. Donc, c'est un épisode, c'est un épisode par saison, c'est ça? Sauf le premier. D'accord. La première saison, on n'en avait pas. Et ça a commencé, donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage. Ah ben oui. Qu'on le voit par rapport à la série. C'est-à-dire, ça a commencé à la saison 2. Qui est, la saison 2, il faut vraiment le regarder. Alors, la saison 2, je suis pas un grand fan de la saison. D'accord. On voit que c'est une série qui est en train de se chercher. L'épisode Simpson Horror Show, comme tu dis, est un épisode qui est véritablement particulier. Je trouve qu'il y a une ambiance dans cet épisode qui est véritablement particulier. Donc c'est un truc vraiment pour horreur, hein, c'est marqué dessus. C'est vraiment pour l'horreur, pour fêter un peu le côté lugubre. Ouais. Et en fait, il y a plusieurs histoires, comme si c'était des nouvelles horrifiques. 3, 4, voire 5 qui s'enchaînent dans la taille d'un épisode classique. Et c'est pas du tout canon. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui peuvent mourir, ressuscités. Exactement, c'est ça. Il y a les extraterrestres, tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Se transformer en 3D, des trucs. Bref. Mais justement, c'est lequel ton préféré de Simpson Horror Show ? Ah là là. Lequel te marque ? Parce que tu parles de celui de 3D, mais celui de 3D, je le trouve véritablement excellent, ce petit morceau-là. Ouais. Ouais, ouais. Là, il m'avait cueilli, celui-là. Celui-là était... Là, de celui que je me rappelle, il y a celui-là. Il y avait, je crois, une adaptation d'Edgar Allan Poe qui était très sympa aussi. Ça, c'est la saison 2. Ah bah, tu vois. Il y a... Oui, avec le corbeau. Ouais, ouais, ouais. Tabart en mode corbeau. Ça, c'est la saison 2. L'ambiance est véritablement excellente sur cet épisode-là, ouais. Exactement. Tu vois, il y a ça qui m'a marqué. Il y avait le The Shining... Ah oui. The Shining. Non, parce qu'en fait, il dit, à un moment donné, ils font la blague. Donc, The Shining. Et ce que j'aime beaucoup dans The Shining, c'est surtout, enfin, dans cet épisode, donc c'est la saison 6. Il y a le truc où Homer répare un grille-pain, mais son grille-pain le fait retourner dans la préhistoire. Ah oui. Et il tue un bête moustique, et ce qui fait qu'il change l'intégralité de trucs, etc. L'effet papillon. Bon, tu sais que je suis fan du Chrony, et alors ça, cet épisode-là, je me demande d'ailleurs, ça n'a pas commencé par là d'ailleurs. Eh ben, savoir. Parce que c'est vraiment un épisode qui m'a marqué, et puis alors le coup de cauchemar à la cafétéria où t'as les profs qui bouffent les élèves. Ah oui. Oh là là, putain, cet épisode-là, mais c'est... Excellent. Ah ouais, excellent. Donc, on va les mettre à part pour répondre à ta question qui était, oui, qui était en épisode. C'est très à part. Mais bon, ça permet aussi de voir ça. Tu sais, c'est comme les Itchy et Scratchy. C'est une parodie de Tom et Jerry, mais version ultra sanglante qui est très gore. C'est quoi. Une parodie de Tom et Jerry slash Mickey Mouse slash Looney Tunes slash tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment se moquer même de Disney à cette époque-là. Et c'est ultra gore et ça a donné des idées pour sur le net à Petri Friends et tout ça. Ça vient de Itchy et Scratchy, oui, et Simpson. Quoi. C'est et c'est des personnages de dessins animés qui regardent des dessins animés. Je trouve la mise en abîme tellement bonne. C'est ça. Il y a d'ailleurs un épisode des Simpsons où Bart et Lisa se retrouvent. Ils sont dedans. Transposés dans l'univers d'Itchy et Scratchy Show. Ça, c'est assez dingue. C'est très bon. Mais ça répond toujours pas à ta question, je suis désolé. Oui, mais on digresse, mais c'est la digresse normale. Normal. Ça va. C'est pas... En même temps, j'ai deux faits extrêmement marquants, mais pas pour la même raison. Je pense que mon épisode préféré, c'est quand Homer, je crois, à New York. Ah oui. Et qui se fait mettre un sabot sur sa voiture. C'est bien le même épisode. Oui, il boit un peu trop de jus de crabe, je crois aussi. C'est ça, et de clave calache. Il y a des blagues, mais... Ah oui. Il y a deux blagues par minute, c'est incroyable. Et tout se tient. Ah ouais, ouais, ouais. Pas de soucis. Donc là, tout l'épisode est tellement bien fait. Et l'autre, c'est quand Lisa devient végétarienne, vraiment. C'est officiel. Ah, Lisa devient végétarienne, c'est dans la saison 7. Et évidemment, la chanson. La chanson de cet épisode, on se fait pas de potes à coups de salade. Salade, on se fait pas de potes à coups de salade, on se fait pas de potes à coups de salade, on se fait pas de potes à coups de salade, on se fait pas de potes à coups de salade, on se fait pas de potes à coups de salade, on se fait pas de potes à coups de salade, on se fait pas de potes à coups de salade. C'est la marge, cette samba là qui prend un rythme entraînant. Ah oui. Et même Marge qui se prend dans le. Ah oui, non, c'est incroyable moment. Cet épisode là est culte de la saison 7, ouais, clairement. C'est vrai, j'y avais plus pensé à celui-là, tu disais ça, mais c'est vraiment la saison 7. Saison 7, épisode 5, je suis allé rechercher. Les épisodes des 10 premières saisons, j'arrive à te les dire plus ou moins à chaque fois dans quelle saison ils se trouvent, mais après, je suis quand même pas à dire carrément quel épisode c'est de la saison. Là, oui, oui, oui, oui, oui, mais quand même une certaine précision, ma foi, de ta part, qui est assez bluffante. Après, ce qui est marrant, c'est que je redécouvre... des épisodes avec les années, tu vois, ouais, et sûr. Quand ils vont au Japon. Saison 10, ça. Il est très juste, en fait. Tu sens qu'ils sont allés au Japon, qu'ils ont pris des claques et qu'ils se sont dit, allez, on va les transposer dans, ouais, mais c'est ça. Dans cet épisode et on y va. C'est ça, et à côté, tu as encore ce côté-là, tu vois. Enfin, le Japon était connu même à l'époque, parce qu'avec Takeshi Castle ou des trucs comme ça, il était connu pour faire des émissions télévisuelles un peu à what the fuck, etc. Ouais. Et là, ils y sont en plein dedans, enfin, à un moment donné, dans ce truc-là. Et donc, bon, après, il y a toujours une caricature, comme il se faisait à l'époque. Et d'ailleurs, je vais te poser une question. Oui. Alors ça, c'est un truc assez rigolo. Je vais te poser cette question, parce que tu parles des Simpsons au Japon, mais ils sont allés dans plein de pays différents. Ouais. Et je vais te poser la première question, c'est quel est, dans quel pays, un membre des Simpsons, je dis bien un membre, est allé en dehors des États-Unis ? Le premier pays qu'un des membres des Simpsons a fait en dehors d'un pays autre que les États-Unis, bien entendu. Ce serait marrant que ce soit la France. Eh ben, c'est la France. Ah. Dans la saison 1, ils sont partis en France. Donc, c'était le premier épisode visité dans la série. Alors, j'ai oublié le nom de l'épisode parce que je ne suis pas un grand fan de la... Je regarde en vitesse. C'est l'espion qui venait de chez moi. Où il part en voyage, etc. Et il part en échange scolaire. Ah ouais. Et il va en France, etc. Et avec la caricature du français, béret sur la tête, etc., etc. Ah bah, niveau caricature, oui. Et maintenant, je vais te poser la deuxième question. Tu as bien fait de venir. T'as bien fait de venir. La deuxième question, pareil, sur les pays. Dans quel pays sont allés le plus de fois ? Alors, les États-Unis, ça compte pas ? Sans compter les États-Unis, bien entendu. Sans compter les États-Unis. Ça compte pas. Alors je me rappelle du Brésil par rapport à l'adoption, je me rappelle de l'Angleterre qui était un épisode très rigolo également. Il y a aussi sur une île un peu chelou, mais là je pourrais pas te dire, je sais pas du tout. Vraiment le plus de fois, c'est impressionnant. Le plus de fois ? Ouais. Et je pense que ça montre que Matt Groening aime ce pays aussi, parce que ça il avait dit, hein, Non, je donne ma langue au chat. Eh ben, donc, au petit papa Noël, c'est petit papa Noël, c'est le chien. Oui. Le chat, c'est boule de neige. Boule de neige, bien sûr. Voilà. C'est la France, encore une fois. Encore ? Ils y sont allés 11 fois. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ils y sont allés plein de fois. Donc le premier épisode, ils sont allés une fois aussi pour des conventions sur le nucléaire, où d'ailleurs, Karl drague la femme de Sarkozy, où Sarkozy est présent dans le truc, etc. C'est vrai. Il y a eu des fois où Springfield déclare la guerre nucléaire avec la France, donc on voit la France à ce moment-là. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ah, d'accord. Et tu sais me dire, allez, 5 pays où ils sont allés ? Alors, je vais dire... Toute la famille est allée. Vraiment toute la famille. D'accord. L'Angleterre ? Ouais, ils y sont allés toute la famille. Bon. Je veux pas redire la France parce que sinon, non. Est-ce que le Brésil, ils étaient tous ensemble ? Ouais, ils y sont allés tous ensemble. Ils ont le carnaval. Et il y a aussi un épisode où Homer est arbitre de foot pour la Coupe du Monde et il se fait soudoyer. Comme quoi ? Donc, on essaye de le soudoyer et il se fait pas soudoyer. En fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi je dirais le Canada ? Je sais pas. Le Canada, ouais, ils y sont allés. Cette image. Je sais, ils sont allés quoi ? Je pense qu'ils y sont allés 3-4 fois. Ouais, j'ai cette image-là. Ouais, le Canada, ils y sont allés, ouais. Après, on avait dit la France et le Japon, donc ça fait 5, mais il en faudrait 2 autres. Ouais, voilà. Après, ils sont allés en Corée du Sud. Ils sont pas allés en Inde ? Alors en Inde, il n'y a que Homer qui est allé parce qu'en fait, c'est dans la saison 5. Il reprend un truc. Apu se fait virer du mini-market et ils vont sur le siège social du mini-market qui se trouve en Inde. Et il n'y a que Homer et Apu qui y vont. Donc en Corée du Sud, tu disais. Et après. Non, je dis une bêtise. Quand ils délocalisent la centrale en Inde. C'est ça que je me rappelle, ouais. C'est ça. Ouais, mais là, ils y vont toute la famille. J'ai dit une bêtise, mais... Ah, il y a toute la famille, hein, tu vois. Je pensais que c'était que Homer. Non, mais parce qu'ils y vont toute la famille. Que Homer est délocalisé, et après... Il devient... Ouais. Je sais plus ce qui se passe, mais enfin, il n'y a plus de contact. Et du coup, toute la famille y va. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'Australie. D'accord, ouais. Un épisode, alors, pour l'anecdote, le Brésil et l'Australie. Ouais. Quand les épisodes sont sortis... il y a eu un mini incident diplomatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les épisodes, enfin à cette époque-là, étaient très regardés, surtout en Australie. Enfin, et donc du coup, quand il y a eu Bart contre l'Australie, où l'Australie, enfin Bart se torche véritablement avec le pays. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Du coup, enfin, il y a une caricature du fait que l'Australien, c'est un Anglais qui est bête. Il y avait plein de trucs comme ça, avec un accent incompréhensible. Enfin bon, bref, il y avait vraiment ce côté-là. Et donc, du coup, les Australiens n'ont pas trop apprécié. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, ça a créé un mini conflit. Hein. C'est les Simpsons, quoi. C'est ça. Et au Brésil, pareil, parce qu'au Brésil, il y avait le côté corruption, le côté drogue, le côté un peu tout ça. Mmh. Et donc, du coup, il y a eu aussi quelques petites tensions à ce moment-là, quoi. Ah mais ça, les caricatures sont assez légion, hein, quand même. Oui, ouais, ça toujours, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a vraiment plus, comme tu disais, t'avais vraiment des sortes d'épisodes, les sortes d'épisodes où ils étaient dans la ville des Springfield, où ils vivaient des aventures dans cette ville, etc., où ils restaient dans les États-Unis. Bien sûr. T'avais vraiment les épisodes où ils partaient, comme ils allaient en Irlande pour ouvrir un pub, parce qu'il y a eu cet épisode-là, qui est moi qui j'aime beaucoup, hein, personnellement. Et t'avais, donc ils allaient à l'étranger, ils faisaient des aventures à l'étranger, et t'avais les Simpson Horror Show, et donc ils sont assez particuliers, comme tu disais, trois petits épisodes, etc., où t'avais aussi les épisodes, où t'avais trois petits épisodes, mais sur d'autres sujets, il y avait eu la Bible, dans mes souvenirs, ah oui, oui. Ou des trucs comme ça, et il y avait aussi des micro-épisodes, il y avait 22 histoires sur Springfield, d'accord, qui est véritablement sympa, donc ça c'est la saison 5. Si je dis pas de bêtises, et où t'avais 22 petits épisodes où on suivait pas le cheminement classique avec la famille, etc., etc. Ouais, le cheminement classique, et on suivait surtout pas les héros principaux. Mmh. C'était véritablement le... Pas la vie dans Springfield, les personnages secondaires. Seymour Skinner, etc., etc. C'est ça, parce qu'il y en a plein. Hein. Et donc du coup, alors ton épisode, donc on avait dit ça, les épisodes Simpson Horror Show préférés, c'était ce que tu m'avais dit. Et en 3D. Il est véritablement très bien. Et d'ailleurs, pour moi, ça fait carrément lien après avec les jeux. Bon, on en parlera plus tard, je pense. Mm-hmm. Mais ça fait vraiment lien avec les jeux parce que la 3D dans cet épisode-là est très proche de la 3D qu'on retrouve dans les jeux qui sont sortis sur GameCube, PS2, Xbox. Tout à fait. Bah, les premiers jeux en 3D, quoi. Ah ouais, ouais, c'était vraiment ça. Finalement. Et c'est ouais, les Simpsons Horror Show. Et en épisode classique, t'as encore des épisodes qui te marquent Là, comme ça, non, c'était vraiment les plus... Bon, après, tu vois, t'as les... Ah, c'est difficile hein, de pas non plus divulgâcher. Parce qu'il y a un épisode très marquant dans la saison 4. On va faire un spoiler alerte à chaque fois. Si tu veux divulgâcher un truc, on fait ça... Où il y a Homer qui a quand même un gros accident. Hein, oui. En saison 4. Oui, très très marquant comme épisode. Voilà. Et je vais te raconter un truc après pour ça. Eh ben oui, bah, tu peux enchaîner. Non, vas-y, continue, parle. Je te raconterai, juste pour y penser en fait. Et oui. C'est juste et pour y penser. Ça, oui, ça c'est marquant. Mais après, tu vois, c'est d'un point de vue scénaristique. Oui. Où vraiment, il se passe quelque chose de... Ah ouais, là, ça... Comme, voilà, tu disais... Bon, mon personnage préféré... Bon... S'il y en aurait un, c'était Homer, évidemment, parce qu'il est tellement partout. Mais sinon, ce serait Maggie, parce qu'elle apparaît pas forcément beaucoup, mais à chaque fois, c'est très, très, très précis et très percutant. Et marquant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord aussi. Effectivement, elle fait quelque chose de très, très marquant dans la série également. Ouais. Et on s'en souvient. Ben, je vais continuer, je vais passer de mon côté, moi, alors du oui, coup, oui, vas-y. Je vais passer. Alors, tu parlais de la saison 4, je vais franchement faire un truc, il y a un arc qui fait que de la saison 4 à la saison... Je vais extrapoler jusqu'à la saison 8. Pour moi, c'est l'âge d'or. D'accord. Véritablement l'âge d'or. Pour moi, les Simpsons sont... Elle fait partie de la première partie, dont tu disais ? Oui, ça fait partie de la première partie. Tu lui as coupé la série en trois parties. Pour moi, là... Ah oui, alors c'est vrai que c'est pas con. Je vais continuer sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie, c'est plus ou moins de la saison 1 à 10. D'accord. Où ça, c'est vraiment c'est le diesel. Pas réellement au début, mais la saison 1 et 2, c'est pas vraiment excellent, même s'il y a vraiment des bons trucs. Ouais. La saison 1, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas, la saison 1. Ça fait vraiment partie des saisons que j'aime pas. D'accord. Parce que c'est une saison qui se trouve, etc. Mais après, la saison 2, ça commence, saison 2 et saison 3, où ça commence à devenir bien. Mm-hmm. Et la saison 4, c'est très bien. Pour moi, ça fait partie de la meilleure saison des Simpsons. Pour moi, c'est la meilleure saison des Simpsons, d'ailleurs. Et 4, 5, 6, c'est vraiment le haut du panier. Et après, ça descend légèrement jusqu'à la saison 8, 9, enfin jusqu'à la saison 9, on va dire, où pour moi, il commence à y avoir une scission, où c'est moins bon. En fait, ils essaient de retrouver un nouveau souffle, et pour moi, c'est pas encore trouvé, etc. Après, ça va être jusqu'à la période HD, donc il va y avoir une période encore 4 tiers, on va dire ça comme ça, où entre la saison 9 et la saison en HD, je pense que c'est saison 20. Quelque chose comme ça, ouais. Ou 21, j'ai un petit doute, enfin bon, bref, c'est jusque-là. Et après, il y aura les épisodes HD, jusqu'à maintenant, qui pour moi sont bons. Mais ça ne fait que dégringoler, c'est pas aussi bon que ce que ça a été. D'accord. Et pour revenir donc du coup sur mes saisons préférées, donc c'est saison 4, 5 et 6. D'accord. Tu parlais de la saison 4 avec cet épisode-là, ça a amené, enfin, c'est vraiment la saison 4 et 6 pour ce coup-là. Poisson d'avril, donc l'épisode où ça tourne mal et il tourne à l'hôpital, c'est ça hein. Ça tourne mal, oui, exactement. Exactement, ben moi j'ai eu cet épisode-là où justement mon père était à l'hôpital, donc ça a eu... Enfin, je l'avais déjà vu avant, hein, c'est pas ça, mais ça a eu un écho beaucoup plus fort avec cet épisode-là. Ah oui, d'accord, oui. Et avec l'épisode saison 6, donc c'est Barre des Ténèbres, qui est pour moi un des épisodes les plus marquants de tous les Simpsons, véritablement. Donc c'est l'été, il fait très chaud. Et les Simpsons achètent une piscine et Bart se casse le pied. Ouais. En voulant sauter de sa cabane dans la piscine, il se casse le pied et donc du coup il se retrouve très enfermé sur lui-même pendant tout l'été, etc. Bon, je raconte pas la suite, etc. Mais c'est ce côté-là que j'ai vu alors que j'étais tout seul à la maison parce que mon père était à l'hôpital. Bon, je vais pas raconter d'autres histoires, mais ça, le côté, ça fusionnait avec mon histoire à moi. Il y a l'écho, ouais. Et il y a eu un écho avec mon histoire à moi. Et donc du coup, ces deux épisodes-là m'ont marqué, mais d'une force pas possible. Alors bien entendu, du coup, je suis pas. C'est logique. Objectif, du coup, parce que du coup, ça c'est vraiment lié à mon histoire. C'est ça. Mais ça fait partie des trucs qui sont véritablement mythiques pour moi, des épisodes véritablement mythiques pour moi. Après, par exemple, sur la saison 6, pour citer que ça, il y a Itchy's Crashy Land, le maire et amer, où Tahiti Bob essaie de se fait élire, mais en bourrant les urnes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a, dans la saison 4, qu'est-ce qu'il y a comme épisode? Il y a la grève à la centrale. On en parlait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Oui. La grève à la centrale, c'est un épisode qui est pour moi mythique. On est sur une chaîne quand même. Oui, oui. Et là, ici, Matt Groening fait une belle critique. Mais ouais, une critique du capitalisme, mmh. Et une critique, enfin une apologie du syndicalisme, ouais. Et de la grève qui fonctionne, parce que à la fin, spoiler alert, ça fonctionne. Parce que quand c'est diffusé en France, c'est logique pour nous la grève et tout ça. Oui, c'est ça. Mais aux États-Unis, beaucoup moins. Oui, la création d'un syndicat, bon, on l'a vu récemment dans l'actualité avec Amazon et Starbucks. C'est compliqué de créer un syndicat aux États-Unis, hein. C'est pas acquis réellement comme en Europe. C'est ça. L'impact est plus grand. Et par exemple, ça m'avait marqué. Et puis bon, il y a des trucs qui sont marquants. Il y a une chanson qui est mythique. Il y a l'entrée avec Abraham qui veut faire casseur de grève, tu vois. Et c'est on peut pas casser des gens comme on le faisait avant. Mais on a nos petites astuces. Et tu vois, ça c'est des trucs, j'arrive encore à te les reciter maintenant parce que c'est mythique, c'est complètement mythique. Après tu me connais, je les ai regardés, oui. Donc du coup je connais. Cette grève qui leur sera fatale restera dans toutes les mémoires. Ils ont la centrale, mais nous avons le pouvoir. Cette grève qui leur sera fatale restera dans toutes les mémoires. Ils ont la centrale, mais nous avons le pouvoir. Regardez-moi ça. Je les plonge dans les ténèbres et ils ne sont pas tristes du tout. Ils chantent au contraire. Et il y a véritablement ce côté, le Monsieur Chasse-Neige. Ah oui. La saison incroyable. 4, c'est mythique, Monsieur Chasse-Neige. Monsieur Chasse-Neige, chasse comme chasse, neige comme neige. Je suis Monsieur Chasse-Neige, chasse comme chasse, neige comme neige. Je suis Monsieur Chasse-Neige. Le monorail, etc. Ah. On a vraiment des épisodes qui sont mythiques. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on cite les meilleurs épisodes de tous les temps dans les Simpsons, il y a au moins un épisode de la saison 4 qui débarque là. Et donc après, dans la saison 5, on a quand même des épisodes mythiques, comme quand il va dans l'espace. Ah, il est incroyable, celui-là. Bon, oui, les chips, oui, avec tout le jeu qu'il y a autour, parce qu'il y a beaucoup de références à plein d'autres choses, à plein de films, à plein de musiques, etc., dans les Simpsons. Homer va à la fac, il y a Erreur sur la ville, où il y a un voleur qui dérobe... chez plein de gens, etc. Il y a le blues d'Apu où on voit Apu se faire virer du mini-marché, on en a parlé tout à l'heure. On a Lisa qui va faire à un moment donné un camp militaire. Et c'est pareil, ça montre que les hommes vont faire un côté, vont être très misogynes. Mm-hmm. Et donc du coup, vont montrer qu'il faut qu'elle rate parce qu'il ne doit pas y avoir de femmes dans l'armée, etc. Il y a véritablement tout ce côté-là qui fait que la saison 4, 5, 6 est véritablement mythique. Et puis en plus, avec... une histoire personnelle, quoi. Oui, là, même pour toi dans ta vie, les Simpsons l'ont prédit, quoi. Les Simpsons l'ont déjà fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, il y a, si on ressort un petit peu de ce carcan, il y a des épisodes qui m'ont marqué. Il y a la bataille des deux Springfield de la saison 12. Je pense que c'est l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Je pense que c'est 2. Et là, dans ces cas-là, où en fait, suite à un problème d'indicatif téléphonique, et ben, il divise la ville en deux. Je trouvais ça avec un mur, le mur de Springfield fait avec des ordures, etc., où Homer devient maire de Springfield. Ouais. Je trouvais ça mais véritablement marquant. Il y avait. Bonne idée, ouais. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi un épisode dans la saison 16 Il y avait Papy fait de la contrebande de la saison 16 qui m'avait marqué. Ils allaient chercher des. Enfin, il n'y a plus de mutuelle pour les médicaments aux États-Unis. Ouais. Encore une fois, c'est pareil, c'est très américain, c'est-à-dire pas de sécurité sociale. Et du coup, ils font de la contrebande en allant au Canada. Et ça, ça m'avait marqué aussi cet épisode-là. Mais après, il y en a plein. Genre Bébé Nem de la saison 16 où ils vont en Chine pour adopter. Et qui montre aussi un petit peu comment la Chine fonctionne même encore maintenant, assez dur, etc. Avec des références à Tiananmen aussi, où putain, ça, il fallait quand même le faire. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est quand même des trucs qui m'ont marqué. Après la saison 20, il y a quelques épisodes qui me plaisent. Ouais. Mais ça va pas me marquer autant que ça m'a marqué avant, quoi. Oui, bah oui. Mais il y a aussi l'impact à l'âge où tu le vois, et puis quand ça a été créé. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Alors, on pourrait se dire qu'il y a un impact qui est moindre, qui est la critique est peut-être plus douce, mais je me rappelle dans des épisodes plus récents où, avant de commencer, le générique des Simpsons, comme on a entendu au début du podcast, ben on suit les cinq personnages, finalement, la famille Simpson qui rentre chez eux, ouais. Après leur déboire, et il y a toujours une particularité à la fin de cet épisode, enfin, au milieu de l'épisode, il y a Lisa qui fait un solo de saxophone qui change tout le temps. Ouais. Et à la fin, quand ils vont tous se mettre sur le canapé pour regarder la télé, il y a un gag qui change pratiquement dans tous les épisodes. C'est ça. Et ce gag du canapé, comme on l'appelle, je me rappelle dans tes saisons plutôt récentes, il y avait dessous le canapé toute une chaîne de production avec plein d'enfants exploités, esclaves, oui, qui faisaient... Et puis le gag est super long, quoi. Il est plus long que le générique tout entier. Oui. Et qui faisait, et qui avait cette dénonciation avec estampillé Fox et tout, qui collait les DVD et les Blu-ray pour pour la diffusion des Simpsons. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Et là, je me suis dit, ah ouais, ah là, ça envoie ça. Donc là, dans la séquence d'ouverture des Simpsons, il y a toujours véritablement un truc retravaillé, comment dire, c'est ça. Il y a toujours un truc, ça veut dire, c'était en plusieurs étapes, c'est-à-dire. Il y a le départ, on voit la présentation des personnages au travers de Homer dans la centrale, Lisa au saxophone, Bart à l'école et son fameux tableau noir. La punition. Où il est puni et il marque toujours une phrase. Une qui change, c'est vrai, à chaque épisode également. Et Maggie aussi, sur le tapis de course. Évidemment. J'ai oublié je crois que la caisse enregistreuse, elle affiche quoi? La 834 oh, non, je crois plus. Que c'est 400... tu vois les mecs qui ont mis pause au bon moment. 486, c'est pas ça? C'est possible. Oui, je sais plus. Franchement, je sais plus. Il y a un 8 et un 4 dans les... Ouais, possible. Et c'est un nombre à 3 chiffres. Ou 800, je sais plus. Enfin bon, bref. Et donc après, il y a donc le défilé qu'on voit et on a ce fameux gag du canapé. Ce qui est, comment dire, une habitude jusqu'à l'HD. Parce qu'après la HD, ça change un peu. Ils ont changé un peu le générique aussi, non? Ils l'ont remanié pour le format. Oui, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ont fait des micro-courts-métrages. Ah ouais. Qui ne sont pas liés du tout avec les Simpsons et qui ont dit, ben voilà, faites un micro-court-métrage sur les Simpsons pour montrer, etc. Et il y avait vraiment même des Français hein, qui ont fait des micro-génériques avec les triplettes de Belleville. Je crois que c'est celui qui a fait les triplettes de Belleville qui a fait un générique. Mais ça, il faudra apprendre avec des pincettes, j'en suis pas sûr. Mais tout du moins, il a l'esthétique des triplettes de Belleville. Et donc, du coup, on a vraiment cette esthétique comme ça qui apparaît. Et il y a eu plein de trucs comme ça, ou des trucs même des fois assez dérangeants. Hein, c'est des fois assez particulier. Et c'est le générique des Simpsons est cultissime. Je veux dire, même si on n'a jamais vu un seul épisode des Simpsons, on connaît le... Bien sûr, compensé par le générique. Le générique des Simpsons. Et le seul fois où ça vraiment s'est dévié, c'était pour justement les Simpsons Horror Show. Ah oui. Qui sont à chaque fois un peu particuliers, où on avait une intro un peu particulière pour afficher l'ambiance. Le truc. Un de mes plus marquants, par exemple, c'est que Marge en a marre des pubs, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui flashent au niveau des écrans, tu vois, pour dire Dr. House à 21h ce soir, etc. Ah oui, d'accord. Et Marge tue tous ces personnages pour en faire après un pâté de viande. Et quand elle coupe les tranches. Ça fait Simpson Horror Show, etc. Ça, celui-là m'a même vraiment marqué, celui-là. Pas mal. Donc voilà. Et la musique, donc, mythique. La musique du générique composée par Danny Elfman. Oui. Ça va, compositeur. Et mérite pour beaucoup de films. Pas très connu, hein. Notamment Tim Burton, tout ça. Batman. D'ailleurs, le petit lien rigolo, c'est qu'il a fait la musique pour Batman. Ouais. Et le pingouin dans Batman est doublé par Philippe Pétieux. Oh là là, la voix française de Homer. Oh mon Dieu, tout est lié. Tout est lié, Marty. et la musique donc des épisodes, enfin les musiques des épisodes sont composées par Alf Clausen, On n'en parle pas beaucoup, mais il a fait un taf de malade, parce que je crois qu'il s'est fait virer. Il a tellement fait du bon travail qu'il s'est fait virer. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une part importante dans la musique, on parlait des chansons et tout, et la personnalisation va jusqu'au générique de fin, puisque des fois, la musique est soit une reprise d'un truc marquant dans l'épisode, à la fin, soit le thème est arrangé. On parle horror show, il y a un truc avec vraiment le clavecin, l'orgue, un truc bien horrifique, jusqu'au panneau à la fin de production, la Fox, et surtout Greasy Films. Greasy Films, qui était vachement connu, il y avait souvent des petits clins d'œil d'ailleurs avec ça, Greasy Films, bien sûr. Ouais. Donc j'attends toujours la fin de l'épisode. Oui, toujours. Pour voir le panneau Greasy Films, pour voir s'il y a une blague ou pas, enfin, ce que c'est possible. On finira l'épisode avec ça. Avec ça, ouais. ça sera rigolo. C'est indissociable. Mais c'est vrai, comme que, tu dis, la musique a véritablement une importance dans les Simpsons. Même, par exemple, on en parlait avec les Rolling Stones, etc. Mais oui. Mais quel groupe n'a pas été dans les Simpsons? Je veux dire, on a eu du Green Day, on a eu du Metallica, on a eu même maintenant, il y a eu Ariana Grande, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Lady Gaga. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a véritablement beaucoup d'artistes là-dedans. Moi, je me souviens, et beaucoup de clins d'œil aux artistes aussi. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a aussi beaucoup de parodies. Il y a énormément de parodies. Il y a le site, si vous vous êtes intéressé d'ailleurs pour ça, je vous conseille le site Simpsons Park, qui est un site francophone qui répertorie tous les épisodes, et dans tous les épisodes répertorie l'intégralité des références musicales, films, DVD, livres, etc. Incroyable. C'est véritablement une mine d'infos. J'ai récupéré beaucoup d'informations pour écouter les musiques grâce à ça. Et je vous le conseille parce qu'il y a énormément de... Mais de références, quoi. Et t'en apprends plein. Énormément de références à beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a aussi au film, aux séries télé. Il y a un énorme épisode, un immense épisode d'ailleurs, assez récent, hein, sur qui parodie Homeland, la série Homeland, et que j'aime beaucoup, qui est aussi, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup cet épisode-là. Ouais. Et dans la saison 20 et quelques, donc ça, en revanche, là, je peux pas dire précisément. Et il y a beaucoup de références Star Wars, etc. les X-Files, on en parlait pour X-Files. Oui. La référence aux X-Files est véritablement excellente. Enfin, faut dire qu'à l'époque, X-Files faisait un carton. Bien sûr. Et voir Scully, enfin Mulder et Scully, etc. C'était un gros événement. Véritablement excellent. J'adorais la série. Donc, en plus, trouver un truc qui mélange les deux, c'était excellent. Et puis après, on a eu le crossover avec Futurama, qui se sont invités dans les Simpsons, inversement d'ailleurs. Et voilà quoi. On en reparlera dans un autre podcast Futurama. Et les Griffins, je crois. Oui, il y a eu les Griffins, il y a eu... Ils étaient longtemps demandés, et ils l'ont fait. Les Simpsons l'ont fait. Oui, parce que les Griffins, c'est réputé. Alors moi, je vais t'avouer un truc, les Griffins, je n'ai jamais vu un seul épisode. Ah ben, au moins. Je ne connais pas les Griffins. J'ai jamais, comme American Dad, c'est pas des trucs que j'ai accrochés. Oui. Oui, c'est même créateur. Mais oui, j'avoue que je ne connais pas les Griffins. Non, mais c'est pour parler de crossover, tu parlais de parodie. Je me rappelle, en invité, il y avait Weird Al Yankovic, qui a fait toute sa carrière sur justement les parodies de chansons. Ouais. Et donc c'était du bon sens, quoi, d'avoir sa caricature et de l'inviter, puisque ça mêle la chanson, ça mêle la caricature et ça mêle la parodie. Donc et d'ailleurs je crois que Homer dit une phrase qui reste longtemps pour les fans du gars en question, c'est celui qui en a marre de Weird Al Yankovic en a marre de la vie, tu vois. Carrément. Et c'était un bel hommage par rapport à ça. Il y a toujours des trucs un peu comme ça où il rend hommage à des grands classiques, et des fois c'est obscur. Alors là, ici, j'ai retapé les Simpsons Park pour regarder. Et il y a en effet beaucoup de références. Alors par exemple, ici sur le Simpsons Horror Show 3, donc de la saison 4, tu as sur La Nuit des Morts Vivants de Romero, tu as sur King Kong, bien entendu, parce qu'il y a vraiment une critique de King Kong, il y a les Gremlins, il y a Chucky, Radioactive Man, enfin il y a véritablement beaucoup de... Orange Mécanique aussi. Oui. Pour Orange Mécanique, c'est qu'en fait, je crois qu'à la fin, t'as Maggie qui a le fameux tatouage sous l'œil d'Orange Mécanique avec le chapeau melon. Et donc, du coup, ça faisait véritablement une, etc. Avec le biberon, je crois. Ouais, oui, il y avait ça, c'est ça. Tu viens de me faire rappeler, là, t'as dit King Kong, et tu viens de me rappeler qu'il y avait une parodie de Donkey Kong. Oui. À un moment, où c'est vraiment le jeu, quoi. Il y a eu pas mal de parodies de jeux vidéo. Donkey Kong a, donc, a été parodié là, sur ce que tu viens de dire. Bah ouais. Il y a eu une parodie où Homer en a marre de voir ça, et donc, en fait, d'être un clown, parce qu'en fait, il s'était fait avoir sur Internet, est devenu une attraction où on se moquait. Ah oui, un gridad. Ouais, c'est ça, exactement, un gridad. Et donc, du coup, il y a Mario et Luigi qui sont dans un bus de touristes oui. qui le regardent et lui il en a marre et il balance des poubelles. Façon Donkey Kong qui balance les tonneaux. Ouais. Et puis il y a eu Achète-moi un bon storm ou va te faire voir, qui était une, plus ou moins une copie de ce qui était Mortal Kombat. Ouais, ouais. Plus ou moins, on va dire ça comme ça, un petit mélange de Mortal Kombat et Doom au niveau violence. C'est ça. Et Achète-moi un bon storm ou va te faire voir, c'était vraiment la truc mythique du machin. Où d'ailleurs Bart vole le jeu. Oui. Bon, oui, et il y a Mario qui dit oui, vole-le. Après, t'as Sonic qui apparaît, il y a Donkey Kong qui apparaît aussi. Plein de mascottes. Donc, il y a vraiment cette référence sur le jeu vidéo et qui est assez rigolo là-dessus. Après, c'est logique, ça a été créé dans les années 80. Bart, c'est un enfant irrévérencieux, il fait du skate et on le voit pas mal de temps dans les bandes d'arcade également. Oui, on voit beaucoup d'arcade, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est logique. Ouais, c'est logique qu'il y ait ce côté-là et cette parodie là-dessus, mais il y a énormément de références, c'est sûr. Oui, c'est vraiment le but de jouer. On est toujours sur la parodie, en fait. Hein, on est sur la critique et la parodie. Donc, du coup, ici, bah, c'était normal qu'on ait des parodies. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait des parodies de tout. Oui. Tu vas avoir des parodies qui peuvent parler à tout le monde. C'est-à-dire que je parlais d'Itchy et Scratchy, qui était une copie de Tom et Jerry, slash Mickey Mouse, slash Looney Tunes. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que quand il y a un épisode qui parle un petit peu des origines de Itchy et Scratchy. Oui. Le premier épisode de Itchy Scratchy, c'est une repompée totale, quasiment frame par frame, de Steamboat Willie, du premier épisode de Mickey Mouse. En 29, là. Donc, on est véritablement là-dessus, quoi. Ouais. Ça, c'est très, très drôle, ça, aussi. Oui, c'est une souris. Et donc, on va pouvoir enchaîner. Ouais. Sur... Enchaînons. Le film. Ouais, on va faire un petit passage sur le film. Le film, bien sûr. Sorti en 2007. Avec... C'est bon, je l'ai. Tu l'as. Oui, donc sorti en 2007, film d'1h30 plus ou moins. Ouais. Avec une intro très connue sur Green Day. Exactement. Sur Green Day. Qui reprennent ça façon hard rock. Et les paroles du générique. Et les paroles, oui, bien entendu. Les paroles. Mise sur prompteur. Est-ce que, alors, petite question, oui. Tu l'as aimé? Je l'avais vu au cinéma. Et je l'avais aimé, ouais. Tu l'avais aimé. Ouais. Ah. Tu l'avais aimé. Il y a Discord, et pas que le logiciel. Non, en fait, il y a pas Discord. c'est en fait, si tu veux, pour moi, ça aurait pu être, c'est un épisode de. C'est ça, d'une heure et demie. Voilà. Et donc, du coup, il a pas un grand intérêt pour moi, en fait. Mais ça peut être un bon point d'entrée pour commencer les Simpsons, finalement. Je pense, parce que de toute façon, ouais, c'est déjà une vue cinéma, donc déjà, ouais. Après c'est compliqué parce que moi je trouve que le problème c'est un problème que j'ai vu dans les Simpsons mais que j'ai vu aussi dans pas mal d'autres choses comme par exemple très récemment dans Kaamelott. D'accord. C'est-à-dire que c'est des formats qui sont prévus très courts. Kaamelott, c'est quoi, des épisodes ils durent quoi, 5 minutes? Oui, au départ, ouais. Et moi sur ce genre de truc, faire un film avec, alors je me prends une... T'as cherché, hein, tant pis. Une engueulade, oui, je cherche. Mais moi, par exemple, je suis pas le public. Alors, je sais qu'il a été aimé, Kaamelott, pour moi, j'ai pas aimé le film. Mm-hmm. Parce que, justement, ça tirait tellement trop que c'était pas bon. Et pour moi, les Simpsons, le film, c'est plus ou moins pareil. Je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est tiré un épisode de 20 minutes, c'est le tiré 1h30. Et donc, du coup, c'était pas... C'était pas exceptionnel pour moi. J'ai bien aimé parce que il y avait c'était pas tellement au niveau de l'ambition, puisque on aurait pu le faire en téléfilm finalement, ce film là mais il y a vraiment une narration qui se tient, puisqu'il y a des enjeux, des rebondissements, etc. Oui. etc. Et il y a, comme d'habitude, des moments marquants et des moments qui parlent soit au tout public ou soit en deuxième lecture. T'as des moments en famille aussi, pas forcément tout le temps. Bien sûr, il y avait le truc de l'écologie, par exemple. Il y avait une grosse place dans le... Il y avait une énorme place dans l'épisode. Dans le scénario. Et bien sûr, Spider Cochon, évidemment. Spider Pig est... Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider Cochon est là. Spider Pig, c'est voilà, c'est mythique. Ça. Oui, en revanche, ça crée des trucs mythiques comme ça. Ouais. Spider Pig, le cochon est mythique. La scène avec les Inuits ont fait beaucoup rire. Oui, aussi. Il a une rétrospection avec lui-même. Où il parle de ce slack secoué plus de deux fois, c'est stripoté. Moi, ça m'a... Ça a beaucoup fait rire. Mais c'est pas, c'est, tu vois, ça me marque pas autant que me marque la série. Même sur les épisodes récents. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est toujours un truc un peu. Mais pour une expérience des Simpsons en salle, c'est vrai que c'était très agréable. Et notamment, je me rappelle l'effroi et puis les éclats de rire dans la salle. Tu sais, à un moment, il y a Bart qui fait du skate. Oui. Mais il est tout nu avec la frite. Voilà, et tous les... Enfin, c'est Austin Powers, finalement. Ouais. toute l'animation fait que on ne voit rien de lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On voit tout, mais on ne voit pas... son zboubinou, bien sûr. Et le moment où... qui fait un bon retournement de situation, mais c'était très, très drôle à voir les réactions en direct, quoi. Parce qu'on se dit, non, mais ils vont tout faire pour ne pas le montrer, parce que c'est très puritain, c'est les États-Unis, etc., etc. Et paf, un moment, on voit bien en gros plan. Oui, ça, c'était... Ici, d'un gamin de 10 ans. Et ça, c'est très, très drôle. Quoi. C'est toujours le côté... toujours assez choquant. Moins que, par exemple, South Park, on est bien d'accord. Ou même Rick et Morty, maintenant. Mais c'est moins vulgaire, déjà. C'est moins vulgaire, c'est ça. Tu sais, il y a des gros mots, mais pas... Il y en a, mais c'est moins vulgaire, en effet, qu'un truc comme South Park ou Rick et Morty. On cherche pas la provocation. On cherche pas la provocation. Mais ça, c'est toujours des trucs assez marquants. Alors... c'est toujours très drôle, oui, de ce genre de truc. Et ça, Matt Groening l'a toujours fait dans la série depuis le début, de toute façon. Attention, attention. Attention. Attention. Non. Espèce de sale piti, je vais t'apprendre à te marrer de quelque chose qui est marrant. Il y a toujours eu ces trucs-là. Bon, j'ai bien aimé. On a parlé du film. Oui. Maintenant, on va parler, vu qu'on a quand même parlé presque 1h10, moi, si je vois ma montre Et d'ailleurs, imaginaire. Pour rebondir sur une dernière fois sur le film, il y a aussi... Rebond. Il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, le rapport avec voilà, la politique, l'ambition. Et il y a une phrase qui résume bien, c'est « Monsieur ». Je crois que le pouvoir vous a rendu fou. Bien sûr que oui. Essayez de devenir fou sans pouvoir, c'est chiant, personne ne vous écoute. le secrétaire d'État, c'est ça? C'est ça. Ouais, je m'en souviens, oui. Alors, on va passer sur le reste. On a parlé de la série, parce que bien entendu, les Simpsons, c'est la série et le film. Oui. Mais il y a eu des produits dérivés, il y a eu des jeux, il y a eu des BD, il y a eu des CD. Alors les CD, je ne veux pas trop en parler parce que les CD, c'est surtout aux États-Unis que c'est sorti. Alors ça, ici, pour d'accord, avoir ça... D'accord, je ne savais même pas. Pour les avoir ici, je pense que c'est un peu compliqué. C'était... Bon, je vais en parler deux mots du CD. C'est qu'en fait, c'était des reprises. Par exemple, je parlais de la grève à la centrale. Il y avait des reprises dans CD pour les avoir. Donc, c'était pas trop ça. Il y a eu des jeux. Alors, oui, bien sûr. Je t'envoie la... Allez, donne. La balle, c'est... quel est le premier jeu que tu as joué et quel est ton jeu préféré de la saga Simpson? Et je pense que le jeu préféré, on a le même. je crois que c'est la même réponse pour les deux. Ah, il me semble. Oui, ouais, mais moi aussi. En fait, je suis en train de dire que moi aussi, en fait. Je réfléchis, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Bart sur Game Boy, mais non. Little Nightmare ou... Non. Non, mais il me semble bien que... Je l'ai vu, mais j'y ai pas joué. Non, mais c'est le premier, mon préféré, c'est Simpsons Hit and Run. Oui. Sur Nintendo GameCube. Et oui. Comme quoi, là. Et paf. Parce qu'on aurait pu être sur PS2, sur Xbox, mais non. Et qui est... Ils ont bien trouvé, on est en 3D, il y a un sentiment de liberté dans ce monde de Springfield, où on peut se balader et à pied et en véhicule. Énormément de références à la série, incroyable. C'est impossible de tout énumérer, tellement c'est énorme. J'ai essayé et c'est pas possible. C'est bien d'avoir essayé. Il y en a partout, jusqu'à la saison 9, je pense. Oui, puisque c'est sorti en 2004, quelque chose comme ça, 2003, 2004. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être, ouais, bon. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a, au niveau des véhicules, donc il y a référence à des épisodes, évidemment, au niveau vestimentaire, il y a une architecture vraiment de Springfield qui est très cohérente, oui, par rapport aux épisodes et par rapport à là où on se balade. C'est vrai. Parce qu'on parlait de la centrale nucléaire qui est éloignée, la maison, le voisinage, etc. etc. Il y a pratiquement tout. Et même des souterrains qui sont en rapport avec un ou plusieurs épisodes de la série et qui sont bien présents dans le jeu. Oui, mais je vais te couper. Je vais te dire, par exemple, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est le passage dans la centrale nucléaire en passant par les tailleurs de pierre. C'est ça. Donc c'est un épisode de la saison 5 où Homer rentre dans une loge secrète qui est une mélange entre les francs-maçons et les Illuminati, un petit peu, c'est un petit peu ça. Et donc du coup, dans l'épisode, je spoil un peu, il arrive à la centrale en passant par un couloir avec des tableaux et de la musique classique. Ouais. Et on peut le faire dans le jeu, et ça je trouve ça génial. C'est bien respecté. Hein, c'est très bien respecté, bon on va pas se garer avec les rollers après à 10 km de la centrale, mais c'est très respecté sur ce truc-là. Il y avait et après je te relaisse le truc, mais avant que j'oublie, c'était il y a des pubs aussi. Je sais pas si tu te souviens, parce que vu que un de tes épisodes préférés, c'est Lisa la végétarienne, ouais. Et il y a cette pub qui dit avec une femme qui est très sévère, qui dit ne mangez pas de viande, et qui après se tourne et disait mangez du cerf. C'est ça. Et ça c'était, mais c'est vraiment excellent quoi. Donc eat meat, eat deer, ouais, c'est ça. Et les chants de tabac, tout ça. Enfin ouais, y a les chants de tabac avec le tobacco. Je crois que c'est... Je sais plus s'il y en a, mais le tobacco, où Homer fait un mélange entre la tomate et le tabac et qui rend accro à tout le monde. Il y a beaucoup de trucs comme ça, et puis... Oui, vas-y, je laisse continuer. Je t'ai coupé. Non, ce je qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de souci. Hein. Et la force du jeu, donc, c'est qu'il est en 3D et que c'est un GTA-like, on peut le dire. C'est un mélange entre GTA et Crazy Taxi. Il y a un peu des deux, en fait, parce que même Driver... Mmh. Un petit peu mélangé d'eux, parce que GTA ça reste un monde ouvert entièrement, tandis qu'ici c'est plus des zones. Oui, alors que là on reste qu'à Springfield, entre guillemets. Pas réellement que Springfield, parce qu'il y a aussi la version où ils vont sur la côte. Oui. Avec la Lisa qui va dans les vacances, ça m'avait marqué aussi, qui va en vacances. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut contrôler Homer, Marge, oui. Lisa et Bart. Oui, on peut contrôler les quatre. Et ça c'est quand même très très sympa. On peut contrôler les quatre avec des véhicules différents, donc on va, ouais. Pour Marge on va avoir la Canyonero, donc c'est la Canyonero, c'est très important dans les épisodes parce que Marge c'est là où elle devient un peu folle au volant et oui. Très agressive, et du coup elle a une espèce de 4x4 avec édition féminine, oui, oui. Dans l'épisode, et ici on peut le conduire. Homer a son véhicule, il a aussi le véhicule qu'il a construit avec son frère. Donc du coup, il a avec son demi-frère, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Oui. Donc, la forte tête. Oui, avec le klaxon qui fait la cucaracha. Et donc du coup, il y a ça, il y a plein de trucs. Bart avec sa caisse à savon, très connue aussi. Enfin, il y a véritablement un respect de l'univers et un respect des gens, en fait. C'est du fanservice à 2000%. Hein. Parce que quand on connaît pas l'univers, eh ben le jeu est bon. C'est ça là, qui est très intéressant et drôle. Le jeu est drôle et bon, mais ça fait partie des meilleurs jeux Simpsons qui existent pour moi, je pense, avec peut-être les Simpsons, le jeu. Si t'as pas les références, je pense que tu passes véritablement à côté de quelque chose. C'est-à-dire que le jeu est vraiment fait et conçu pour les fans des Simpsons. Par exemple, quand tu vas à l'école primaire, donc l'école élémentaire, si t'as déjà vu un épisode des Simpsons, tu dis c'est l'école élémentaire. Mais si tu vois le fameux Derrick... Oui. Qui sort du truc, etc. Tu te dis, mais pourquoi il y a ça si t'as pas vu l'épisode consacré à ça, donc si ça vous intéresse, qui a tiré sur Monsieur Burns, hein. Oui, oui, je crois. Et donc, du coup, si t'as pas vu ça, bah, tu passes à côté de quelque chose de drôle et de dire, ah mince, c'était ça, etc. Donc, c'est oui et non. C'est vraiment un jeu, si t'as pas les références des Simpsons, je pense que tu passes à côté de beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup de choses. Pour l'avoir fait à la sortie de Hit and Run et pour l'avoir refait bien des années plus tard, bah c'est deux plaisirs différents mais qui sont vraiment complémentaires. Oui, je pense qu'il faut vraiment avoir la référence pour ça. Enfin, c'est encore mieux. Tu vois, si tu rentres, comme je disais avec les tailleurs de pierre, si tu rentres dans le truc, tu vois des tableaux partout, tu dis ouais, bon, c'est joli, mais si tu comprends pas la référence du bazar. C'est ça. Tu dis un raccourci. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vas juste dire ouais, c'est un passage pour faire le tour de la map et c'est tout, quoi. Si tu arrives dans le cimetière et que tu comprends pas certains trucs, pourquoi du cimetière, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est vraiment un jeu fait par les fans des Simpsons. Après, bien sûr. C'est un jeu estampillé Simpsons. Donc c'est un jeu de licence, c'est normal que ça flatte les gens en fait. Aussi intelligemment, c'est pas souvent. parce que c'est une adaptation. Non, ouais, c'est ça, c'est bien fait. C'est-à-dire que l'univers, il est cohérent. Tu peux rentrer dans, dans la maison des Simpsons. Où t'as, bah, alors là, j'ai pas tout en tête, parce que ça, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il va falloir que je le refasse sur GameCube, pour, ben, pour Lunexus d'ailleurs, parce que c'est un truc que je veux faire. Tiens. GameCube ou Xbox d'ailleurs, je sais pas encore, parce que Xbox, je l'aurai en meilleure qualité. Eh ben, abonnez-vous, mettez la c'est ça. Et pour ceux qui sont sur Spotify ou Deezer, allez sur la chaîne YouTube de Lunexus, qui est maintenant bien référencé, donc il n'y a pas de problème à taper dans la barre de recherche. De toute façon, c'est le nom du podcast. Donc il n'y a pas de problème. Tellement bourré de références, je ne vais même pas dire que c'est trop, en fait. Je sais pas trop. À chaque fois, je découvre ça. Bien dosé. Ouais. Il y en a partout. C'est-à-dire qu'à chaque endroit, c'est-à-dire que mini-marché, mini-market, où on voit le vieux dans, le, dans les congélos, tu vois. Enfin, c'est mythique. C'est totalement mythique. C'est, Et ce qui est bien, c'est qu'il y a, comme tu disais, il y a certains environnements où tu peux rentrer. Oui. Et même là-dedans, c'est, tu peux parler avec les gens. Et même là-dedans, je me rappelle les premiers pas à la maison. Vraiment, les Simpsons. Et là, tu fais, wow, mais ils ont tout refait en 3D. Et tu vois jusqu'à la tache d'huile. Ah oui. Là où se gare Homer avec sa berline, chaque générique. Mais ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, même ça, c'est à la goutte d'huile près. Là, tu fais, ah ouais, là, on fait bien. Là, ils nous ont mis bien. Alors, je vais te dire un truc maintenant. Je vais te dire un truc mythique. Oula. Le jeu est disponible en Abandonware. Ah, ça, c'est exceptionnel. Donc, si on y pense, il faudra mettre le lien dans la description. Mais je voulais le taper parce que j'avais un doute, mais le jeu est disponible en Abandonware. Alors là. Et donc du coup, légal et gratuit. Hein. Bon ben, foncez. Hein. Donc sur PC. Ouais, sur PC, bien entendu. Ah, ouais. Ouais. Donc du coup, là ici, si vous devez faire un jeu... Les Simpsons, ouais, ouais. C'est, faites celui-là. Alors, j'ai pas tous les environnements. Moi, j'ai le souvenir de l'environnement de départ. J'ai le souvenir de l'environnement Simpson Horror Show. Ouais. Et l'environnement où ils sont à la plage. Mais j'avoue que j'ai oublié. Je sais qu'on peut rentrer à un moment donné dans la fabrique de Duff. Il y avait des trucs comme ça, donc il y avait des trucs qui me faisaient... La brasserie, ouais. Mais bon, oui, mais peut-être du coup que je vais peut-être le faire carrément sur PC, parce qu'il y aurait une meilleure qualité d'image. Ça fait plaisir, oui, parce que là, tu peux pousser les potards à fond. Ce sera peut-être en 4 tiers, mais ce sera en haute définition, quoi. Oui, il y a peut-être moyen de le mettre en 720p, ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc assez clair, etc. Et je suis en train de regarder des images pour essayer de me faire réactiver des souvenirs, mais bon, t'as quand même des images où t'as Bart qui... Bart, c'est un truc qui existe. Hein. Bart Reynolds. Non, mais il y a Bart quand ils vont dans... Je digresse à mort. Quand ils vont dans Itchy Scratchy, il veut prendre des plaques d'immatriculation personnalisées et il y a Bort, Burt, Birt. Mais pas Bart. Yeah, c'est ça. Et donc, du coup, oui, t'as Bart qui rentre dans le bar de chez Mo. Et oui. Et plein de trucs comme ça. Donc, on n'a pas parlé, c'est vrai. Qui est la deuxième maison de mer. C'est ça. Donc, du coup, il y a véritablement tout l'univers des Simpsons représenté. Oui, oui. Et c'est disponible sur... Abandonware. C'est disponible sur Abandonware. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et le jeu est entièrement doublé en français. C'est vrai. Version intégrale. Pas le cas de tous. Hein. Avec plein de petites voix qui sont ajoutées au fur et à mesure de nos actions et de nos avancées. Ça, c'est aussi la cerise sur le gâteau, vraiment. Ouais, ça, c'est ça. C'est vraiment... c'est mythique. Ce jeu-là est mythique. Hein. Ce jeu-là est mythique. Et après, il y a eu... dans la même génération de consoles, il y a eu Simpsons Road Rage. Oui, Crazy Taxi, là, pour le coup. C'est un copier-coller total de Crazy Taxi, qui est pas bon. D'accord. Lui, en revanche, il est pas bon du tout. La jouabilité est pas bonne, il y a pas de doublage. Bref, c'est pas un bon jeu. C'est restreint. Je l'ai pour la collection, mais c'est pas un bon jeu. Et après, il y a les Simpsons le jeu. Est-ce que tu l'as fait, les Simpsons le jeu ? Alors, les Simpsons le jeu, j'en ai fait l'acquisition il y a très peu de temps. Sur Xbox 360, parce que pour indiquer un petit peu les personnes qui nous écoutent, donc c'est le dernier jeu vidéo, les Simpsons, qui soit sorti à l'heure actuelle, qui est sorti en même temps que le film, donc en 2007. Oui, si on compte pas les versions portables. Évidemment. Et il est sorti sur plusieurs supports. Il est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 2, Wii, et Nintendo DS. Nintendo DS est complètement à part. Et PSP. Oui, puisque c'est les versions portables. Ouais. PSP, PS2 et Wii sont à peu près les mêmes versions. C'est la version en dessous, il y a moins de choses à faire. Ouais. Et les versions ultimes, donc, sont les versions PlayStation 3 et Xbox 360 qui se revendent à prix d'or. Oui, je sais. Et qui ne sont pas bien émulables non plus. Je vais te raconter un petit peu le seum que j'ai avec ce jeu-là. Eh bien, vas-y. C'est que j'ai la version derrière moi, avec la boîte, les Simpsons, le jeu, Xbox 360. D'accord. Sauf que lors d'un déménagement, la boîte a pris l'eau. Ah. Et donc, du coup, le CD a subi de l'humidité. Ah mince. Entre les deux, et donc, du coup, est mort. Je ne peux plus l'avoir, c'est fini. Et donc, le CD est complètement mort, il faut que je le retrouve. Donc, tu ne peux plus y rejouer. Donc, j'ai un petit peu le seum avec ce jeu. Non, actuellement, je n'ai plus le jeu parce que, oui, j'ai un peu le seum avec ce jeu-là. Eh bien, pour mettre sur une note un peu plus positive de mon côté pour l'acquisition, puisque le jeu se vend, comme on disait, à prix d'or, puisque les versions ultimes donc, sont PS3, Xbox 360. Le jeu est en cel shading, donc c'est-à-dire qu'il y a ce côté cartoon qui est difficilement émulable sur ces consoles-là, via PC. Eh bien, le tarif s'envole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, chose étonnante, après voir quelques annonces, je tombe sur une annonce. Le jeu est complet, notice, jeu, la boîte, et je demande « Bonjour, vous en voulez pour combien ?» Et la personne me dit « Je m'en débarrasse, 10 euros. » Ah ! Et je lui demande « Est-ce qu'on peut faire 10 euros livraison incluse ?» Parce qu'il n'y a pas de petit profit, n'est-ce pas ? Et il me dit « Banco, je vous l'envoie dans la foulée. » Et donc je l'ai, je l'ai eu donc pour 7 euros. Ah oui! Donc très très bonne affaire, n'est-ce pas? Et je pourrais te le prêter quand tu veux, puisque en attendant de ranger ton frein depuis 15 ans maintenant, puisque ça fait 15 ans qu'il est sorti. Mais je l'avais déjà fait à l'époque, je l'avais revendu. D'accord. Parce que j'avais revendu toute la collection, et c'est à ce moment-là que du coup je voulais le récupérer par après quand je l'avais revendu, parce que j'avais une époque où j'ai revendu. Oui. J'avais racheté et il y a eu ce malheur quand j'ai eu mon déménagement. Malheureusement. Donc, tu conseilles le jeu, toi, qui l'as fait ? Alors, il y a beaucoup moins de fanservice. C'est assez rigolo. Il y a des trucs qui sont assez parodiques. Oui. Parodie beaucoup. Le jeu est bon ? Le jeu est moins bon pour moi qu'un Hit and Run. Mais il y a le côté assez rigolo, c'est que... Enfin, comme ils se moquaient de la Fox pour les épisodes des Simpsons, et maintenant de plus ou moins de Disney avec les, vu leur achat, ici, ils vont se moquer d'Electronic Arts, tu vois, avec, par exemple, le patron qui va boire le champagne en espérant les ventes, et il y a deux femmes qui arrivent, etc. Le truc vraiment très misogyne à souhait, mais très caricatural aussi. Critique encore. Et donc, il y a toujours ce côté, toujours critique, etc. Il y a des épisodes, par exemple, je crois que c'est le premier niveau où c'est pris de 5 secondes d'un épisode des Simpsons où il mange, tu vois, il arrive dans un truc en chocolat. Ah oui. Dans un monde en chocolat, il dit « Oh, du chocolat à moitié prix !» Tu vois, donc voilà. Donc, il y a un niveau entier là-dessus. C'est l'intro. Il y a un niveau un petit peu Medal of Honor, Call of Duty aussi. Ah oui, ils s'en fait plaisir. C'est des trucs que je me souviens, mais oui, ils s'en fait plaisir. Il y a eu un mélange, vraiment une fusion entre les deux licences, c'est-à-dire enfin entre Electronic Arts, parce que je pense que c'est plus Medal of Honor qui a été piqué du coup sur ce coup-là. Ouais. Parce que la série n'était pas encore tout à fait morte. Medal of Honor, j'imagine. Oui, je sais plus le nom. Je t'avoue que je sais plus le nom, mais je crois que c'est ça, ouais. Et puis il y a eu cet épisode-là avec le lapin en chocolat, mais c'est pas des épisodes qui m'ont marqué. C'est pas un jeu qui m'a marqué. Il y a vraiment que Hit and Run qui m'a foutu une claque. Si je ne m'abuse, deux informations intéressantes en plus sur ce jeu. Tu vois, j'ai fait mes recherches sur les Simpsons, le jeu. Il est jouable en coopération. Ouais. Et j'ai oublié l'autre anecdote. Eh bien, elle reviendra un petit peu après. C'est pas bien grave. Bon, après, t'as eu des jeux, tu vois, par exemple, sur NES. Joueur du Grenier en a fait. J'ai jamais testé, ça m'intéresse pas plus que ça, d'ailleurs. Alors, le seul que j'ai testé dans cette époque-là où ils avaient bombardé vraiment, c'était plutôt Bart Simpson qui était le héros, parce que dans la série, c'est lui qui joue aux jeux vidéo. Et puis, on s'identifie plus à un enfant quand on est enfant. Il y a peut-être ça aussi dans le côté marketing. Ouais. C'est la version d'arcade. Arcade Game. Ouais. Qui est aussi jouable en coopération, qui est un tapelet tous, beat'em up, beat'em all, je sais pas comment on dit, un tapelet tous. Et le jeu est très bon parce que il a servi de base. Je sais plus si c'est ce jeu Simpson qui a servi de base pour d'autres jeux Konami, mais on a la même veine sur les jeux Tortue Ninja ou Astérix, où vraiment, comme le jeu fonctionne très bien comme il est, ils ont changé les skins, si tu veux, et puis. Ah ouais. Et on y va, quoi. Avec un jeu, les Simpsons, tu fais différentes licences. Le jeu est bon, bien sûr, puisque le jeu de base est bon, mais tu changes les skins et roule ma poule, quoi. Ça, c'est toujours pareil, c'est avec les vieux jeux. En plus, c'était des licences, etc. Souvent, on mettait des calques de jeux existants, en fait, pour faire ça, quoi. Mais il y a des clins d'œil. Donc voilà pour... Sympa. Période, parenthèse, jeu. Ça y est, voilà, j'ai retrouvé mon anecdote, pardon. Ah, vas-y. T'as vu, il fallait que je dise la parenthèse. C'est ça. C'est la dernière fois... Donc, tu parlais du lapin en chocolat, c'est ça qui m'a fait tilt. C'est au début du jeu, il me semble, c'est l'intro. C'est ça, ouais. Eh bien, c'est la dernière fois que... Enfin, je sais pas si la première fois, mais en tout cas, c'est la dernière fois que Roger Carrel, donc grand nom du doublage également, bien sûr, prête sa voix dans un jeu vidéo. et donc c'est pour faire le lapin. C'est, je crois que c'est l'une des premières voix qu'on entend dans le... Ah, il fait le lapin ? Ouais, c'est lui qui fait... et ça, c'est assez rare pour le noter, parce qu'il a pas fait tant de jeux vidéo que ça, mais c'est la dernière fois qu'il a posé sa voix pour un jeu vidéo, avant de prendre sa retraite. Et donc, c'est le lapin, c'est la première voix qu'on entend... Ah, bah ça, je savais pas ça. Dans ce jeu. Dans ce jeu qui n'a rien à voir avec le film, tu confirmes ? Ouais, ouais. Ils sont sortis la même année, non, mais... Non, c'est sorti pour la vague du film, mais ça a pas la même truc. Voilà, donc c'était la petite parenthèse close. La petite parenthèse. On n'a pas parlé d'un sujet, on va revenir, parce que bon, du coup, ça englobe aussi avec les jeux vidéo, on va pouvoir parler après, c'est surtout les personnages. Oui. On a parlé des Simpsons, etc., mais on n'a pas parlé de l'univers des personnages qu'il y a autour des Simpsons. Oh, c'est énorme. Et c'est quoi tes préférés dans... je dis bien tes préférés. Hein. Mes préférés. Oh là là, qu'il y en a tellement. Dans l'univers Simpson, dans le lore Simpson. Ouais, ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Tellement, que ce soit les enfants, les adultes. On va pas pouvoir faire. Non, non, non, mais faut vite. On compense pas forcément. Du syndrome Bart, qui est très connu, hein, le syndrome Bart. Hein, oui. Avec Radioactive Man et Krusty le Clown. Voilà. C'est-à-dire qu'il déteste son père. Oui. Mais il adore des héros qui sont Radioactive Man et Krusty le Clown, qui sont des pastiches de son père. Hein, et qui, ah ouais, d'ailleurs, c'est... Le dessin c'est son père. C'est ça. Et bien que après, avec Angry Dad, tu vois, Angry Dad, il a commencé un peu à... Il devient héros. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, la mise en abîme. J'adore Willy. Le jardinier, ouais. Le jardinier de l'école. Très, très... Ouais. Il me fait beaucoup rire. Parce... Encore une caricature, hein, bien sûr. Oui, ça, oui. C'est de l'écossais avec le kilt, le rouge. Une musculature incroyable. C'est ça. Le mec boss. Plus grande que celle de Ned Flanders, mais quand même une belle... Une belle musculature. Le chef Wiggum fait... Oui, beaucoup. Fait pisser dessus. Le Tahiti Bob. Tahiti Bob était... c'est un personnage qui est excellent. Ouais. Qui a une culture pas possible et qui va se prendre des râteaux, littéralement. Il prend littéralement des râteaux dans la tronche. Non, c'est des personnages qui sont mythiques. Comme tu disais, le chef Wiggum est mythique, et même les autres flics, l'autre un peu débile, et Lou, c'est une caricature encore de l'autorité. Oui, voilà, totalement, caricature de l'autorité, le maire Quimby qui est complètement corrompu jusqu'à la moelle, etc. Oh, les mafieux. Les mafieux, ah, la mafia, ouais, avec le gros Tony, oh, mais... Là, là, là. Ils se planquent dans la pizzeria, il me semble. Oui. C'est leur QG, l'arrière-salle. Alors, ça dépend. Au début, c'était ça. Enfin, à la fin, c'était ça. Oui. Et au début, ils avaient une succursale où t'as même Bart qui travaillait pour la mafia, oui. Etc. Donc, il y avait vraiment ce côté. Il y avait un endroit pour de la mafia. Et ouais, non, les mafieux, c'est du cultissime. Et quand t'as un épisode où t'as Homer qui rembourse pas sa dette... Et donc, du coup, il vient... Non, c'était Marge qui rembourse pas sa dette parce qu'elle fait une camionnette, un food truck de bretzel. Et je sais pas si tu t'en souviens. Et que t'as... Donc, du coup, ils sont en train de se mettre sur la gueule. Donc, la mafia commence à arriver devant chez les Simpsons et tout. Mais c'est cultissime. Enfin, il y a véritablement un truc avec les mafieux. Bah, encore une fois, critiqué, tu vois, ça critique, etc. Il y a un épisode où... Non, c'est Lisa s'amuse avec justement le fils de Gros Tony. Ouais. Et quand il, à un moment donné, il décide de reprendre plus ou moins le chemin de son père, quand il referme la porte comme le parrain. Il y a vraiment ce côté assez sympathique des trucs. Et je crois que la scène se finit là-dessus. Oui, c'est ça, ouais, je crois. Ouais. Comme le film du parrain se finit. Je crois que c'est ça, ouais. Et puis après, t'as quoi comme personnages qui sont très cultes? Moi, j'aime beaucoup Seymour Skinner et le superintendant Chalmers. Ah, bah... Skinner! Je suis fier de mon petit plan diabolique. Adieu la musique, la gym et l'art. L'école rêvée, c'est pour bientôt. Où les rires et les joies se feront rares. Je suis bourré, je vois plus rien du tout, mais c'est ce qui m'aide à supporter la vie. J'ai la panse remplie de faillot et de whisky, faut que j'aille vomir dans un taï. Tu es une lèche botte, je mérite une bonne note. Je suis tombé dans la flotte. Il y avait un épisode, pareil, je peux revenir là-dessus, où Skinner invite Chalmers à manger et il y a toute une scène qui se crée qui est complètement excellente et très drôle, quoi. Et donc, du coup, enfin bon, je vais pas spoiler parce que c'est assez drôle en plus, donc je vais pas spoiler. Oui, oui, bien sûr. Et donc, du coup, oui, il y a énormément de personnages des Simpsons. Après, il y en a que j'aime beaucoup moins, je veux dire Disco Stu, par exemple. Oui, bon, oui. Le professeur Frink, il y a des côtés assez drôles, mais c'est pas un personnage que j'apprécie. Ouais, il sert pas... En fait, il fallait un scientifique et puis voilà, quoi. Oui, c'est ça. Un peu ça. Il y a aussi, par exemple, des trucs assez rigolos. Par exemple, tu vois pas beaucoup le père de Marge. Oui. Tu le vois pas beaucoup. C'est vrai. Tant que le père d'Homère. Le père d'Homère, tu le vois. Le père d'Homère, tu le vois, mais la mère d'Homère, tu la vois pas. Et puis après, elle finit par. Oui, c'est sujet à épisode. À faire des... Oui, c'est des sujets à faire des épisodes. Mais comme pour. Dédié. Comme pour le père de Marge, qui est véritablement. Et même à la grand-mère, la mère de Marge aussi, qui est. Oula, oui. Qui sont sujets à des épisodes particuliers et qui sont. Vraiment très très anecdotique d'ailleurs dans l'histoire des Simpsons, quoi. On aura plus vision sur au niveau de la famille proche à Abraham, bien sûr. Et puis après Patty et Selma, bien sûr. Ils sont pas très loin, ils habitent je sais pas s'ils habitent à Springfield, mais Abraham, oui, il habite à la maison de retraite, Et Patty et Selma, c'est un appartement dans Springfield. Ouais, donc c'est logique. C'est vrai qu'on a parlé de mots tout à l'heure. Moss is Lack, oui, qui il y a une triplette là, donc le barman évidemment, ou la Duff coule à flot. Et je sais pas qui de Homer ou qui de Barney boit le plus. Parce que Barney, qui est un homme plein de ressources, plein de surprises. Oui, et qui, en fait, et qui a été plus ou moins perverti par Homer. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, Barney, oui, devait faire des études, etc. Et juste avant ses études, donne une bière à... à Barney. D'ailleurs, toute la Duff... est sombre. C'est la Duff, c'est la grosse industrie, avec une bière qui n'est pas de bonne qualité, parce que quand tu vois le mec avec le contrôle qualité, où t'as une tête d'Hitler qui passe dans les bocaux, enfin, je veux dire, il y a tout ce truc-là, etc. Et ça a été tellement gros qu'il y a eu des problèmes de droits d'auteur, parce que la bière Duff a été brassée, elle existe vraiment en France. Oui, c'est fou, ça. C'est-à-dire que maintenant, moi, il y a un truc qui me tue avec la loi Evin, parce que ça, c'est pas le cas en Belgique. Hein. Je lui parle bien de la France, hein, parce qu'en Belgique, c'est pas du tout le cas. D'accord. Donc, avec la loi Evin, mais le Duff n'existe pas. Alors, soit ils disent FUD, ce qui est déjà un non-sens, parce que la FUD existe ailleurs, dans l'univers Simpson, en plus. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, du coup, la Duff, et soit tu vois, on voit la marque qui est floutée dans les épisodes, soit censuré. Donc, et le nom aussi. Et le nom est aussi censuré ou bippé, ou alors il y a une espèce de vieux rembobinage dégueulasse qu'ils ont foutu. Ouais. C'est complètement dégueulasse. Prohibition, quoi. Tandis qu'en Belgique, donc c'est la loi Evin qui fait ça, qui est à cause de la loi Evin en France. Et en Belgique, il n'y a pas cette loi. Donc du coup, on a les Duff, on a la marque, on a tout ça. Bien sûr, oui, parce que pour la petite histoire, Duff, c'est une marque inventée, une marque de bière, la marque de bière dans les Simpsons. Ouais. Et puis en fait, la Fox ou Matt Groening ne voulait pas en faire un produit dérivé. C'est ça, ouais. Ils voulaient juste rester là. Ils ne voulaient pas déposer la marque non plus. Sauf qu'il y a des petits malins qui ont déposé le nom, qui ont fait leur Duff. Et depuis, bah, la marque. Alors il y a eu tout un imbroglio judiciaire parce que. Oui, j'ai une bière Duff, mais estampillée vraiment dans le graphisme de la série, oui. Qui était un produit dérivé du film. Donc il y a eu, je pense, un accord temporaire. C'est ça, je l'ai eu aussi, oui. Mais malheureusement, comme la Duff maintenant existe, ça, la fiction dépassée par la réalité, eh bien, on n'a plus le droit de faire la mention d'une marque d'alcool en France à la télévision. C'est un peu le problème, bien sûr, de tout ça. C'est que ça a tellement de succès que ça n'a pas été déposé, parce qu'ils auraient pu le déposer pour sécuriser, je veux dire ça. Et bon, ça a pas fonctionné. Bon, oui, ça c'est dommage. Et ça enlève un personnage secondaire que j'aime beaucoup, enfin même tertiaire, qui est Duffman. Oui, c'est ça. Il y a Duffman qui est très culte aussi. Duffman. Ah ouais. Il danse. Il danse et c'est un mec qui est en plus très triste dans la vraie vie, c'est qui est comme plus ou moins, tu vois. Oui, voilà. Bah, c'est oui. Presque une critique de ce qu'on pourrait dire maintenant des influenceurs, tu vois, avec des gens qui croient qu'ils ont une vie parfaite et qu'en fait en arrière-plan c'est pas ouf. Il y a vraiment pas mal de choses comme ça qui font que de strates de lecture. De la saga des Simpsons. Et donc oui, voilà, on est sur ce truc-là. Bon, maintenant, on va parler d'un truc, dernier truc peut-être, dernière partie. Attention. Ce sera les produits dérivés. Ouais. On va dire ça. Est-ce que t'en as déjà, des produits dérivés? Alors, j'ai ma Duff. On en a parlé tout juste. T'as jamais goûté la Duff? Ah bah non. Parce que je me suis dit, ça c'est... Je veux pas être déçu déjà, de base, mais... Ouais, de toute façon, tu le saurais. Hein. C'est pas tellement la bière qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir l'objet issu d'un dessin animé. À boire avec modération, bien entendu. Oui, bien sûr, évidemment. mangerbouger.fr, mangerbouger.be, bien sûr. Ça existe pas ici, je crois. mangerbouger.ch. Je pense que ça n'existe pas ici. Move and Eat, Krusty Burger, tout ça. Non, en produit Simpson. Donc, à part la Duff, est-ce que j'ai même... Non, les jeux vidéo... On peut dire que ça peut être un produit dérivé, oui, bien sûr. Qui peut faire partie. Et après, au-delà, oui, j'ai une peluche Maggie. Ah, t'as une peluche Maggie achetée. On en parlait tout à l'heure quand tu avais regardé la version espagnole. Bah, c'était la même semaine. Ah. qui est, bah, parce que Maggie, comme tu disais tout à l'heure, est mon personnage préféré, et en peluche, ça me paraissait très logique l'avoir, puisque de toute façon, elle fera pas beaucoup de bruit. Non, hein. Ça c'est clair que c'est pas elle qui fera le plus de bruit. C'est pas elle qui fera le plus de bruit. Donc voilà, et toi, je pense que ta collection sera un peu plus grande. Mais pas tant que ça, hein. Je vais clairement te dire que déjà, j'ai pas de peluche, tout ça, j'en ai pas. J'ai eu la bière d'œuf. J'en ai eu la bière d'œuf que j'ai goûtée, en revanche. Ah bravo. C'est très très oubliable, hein. Y a pas de problème pour ça. C'est une pilsner, tout ce qu'il y a de plus oubliable. Enfin bon, il y a que le nom qui est correct en fait. Et j'ai les BD qui sont basés sur les comics. Alors à l'époque c'est Bongo qui faisait ça. J'en avais eu quelques-uns sur Bongo, mais je les retrouve plus. Je pense que malheureusement dans un déménagement, ça s'est un petit peu perdu. Et donc du coup ça malheureusement je les ai plus, mais les déménagements n'ont pas été très positifs pour tes souvenirs Simpson. Ça hein, c'est clair, parce que justement c'est très vieux et donc du coup ça peut être perdu par-ci par-là. Et donc du coup j'ai des BD donc, qui ont été réédités par Panini Comics et qui sont très très oubliables aussi. Je les ai parce qu'à l'époque j'étais véritablement dans les Simpson. Mm-hmm. Maintenant c'est pas voilà c'est oubliable totalement et j'ai pas d'autre chose, j'ai pas de statut Simpson, j'ai rien de ça. Pour moi, la série se suffit véritablement à elle-même. Ouais, ouais, ouais. Bah, t'as les DVD, ouais. Mais je sais pas tous. Et puis même, je veux dire, j'ai vraiment classé saison 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ah oui, bah. C'est mes saisons de cœur que je garde, et puis voilà quoi. 7 aussi. Alors. Je regarde derrière moi parce qu'il y a aussi la 7. Je viens de baisser les yeux, tout simplement, pour trouver d'autres idées de produits dérivés. Et je suis actuellement en train de porter un t-shirt. Un t-shirt Bart Simpson. Qui, pour la petite anecdote, date du collège. Ah oui! Et qui me va toujours. Ah oui, oui, oui. Voilà, n'est-ce pas? J'en ai un plus récent. Avec Homer, bien sûr, qui se fait mal. Donc, mais j'en ai pas. J'ai pas de t-shirt Simpson, j'en ai pas. Donc je te dis, j'en ai pas, mais en fait, j'en ai un sur moi actuellement. T'as plus que moi en collection. Incroyable, incroyable. Donc voilà, peut-être une petite... Il me semble que tu avais peut-être un coussin, un oreiller. Un oreiller, c'est ça, moi. J'avais, alors, pour la... Ah, maintenant que tu vous penses à ça, non, c'est vrai, j'ai eu des chaussons, Homer. Ah. Les chaussons où tu mettais... En fait, c'était la tête d'Homer et tu mettais le pied dans la bouche. C'est ça. Ça, je m'en souviens que je l'avais. Et j'avais le même avec Bart. J'avais même... C'était très confortable, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup ces chaussons. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Est-ce que je réfléchis pour voir si j'oublie rien, mais je pense que j'oublie rien. Est-ce que c'est un produit dérivé ? J'avoue que... Oula. Alors, il y a un truc que j'aime bien. Ça s'appelle les donuts. Ah oui. Il y avait... par ici, je pense qu'en France, c'est pareil. Il y avait, à un moment donné, une marque Simpson Donuts. Oui, c'est vrai. Manger des donuts Simpson, entre guillemets. Mais enfin, bon, c'était des donuts avec un glaçage chocolat dessus. Mm-hmm. C'était bon, hein, mais bon, tu payes la marque, quoi. Oui. Et donc, voilà. Et puis après, il y a vraiment... Par exemple, dans les parcs d'attractions type Universal, je sais qu'il y a des endroits où il y a un Cook & Mart. D'accord. Et il y a un Krusty Burger, parce que Krusty Burger, c'est une plagiat du McDo. La marque de fast-food. Ouais. Qui est assez drôle d'ailleurs. Il fait « Ouh, vous savez, les Krusty Burger, enfin, c'est la police qui parle. Ils sont tous en train de manger un Krusty Burger et tout. Oui. Ah, mais je suis allé dans la ville d'Atlanta, je crois que c'est Atlanta, qui dit « Si, ils n'ont pas de Krusty Burger, mais ils ont un truc qui s'appelle McDonald's. » Et tu fais « Quoi, McDonald's? Mais c'est quoi? Oh, ils ont quelques magasins dans tout le pays. » Et puis après, il parle, il dit « Mais qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce qu'ils ont à la place des Krusty Burger? Ah, ils appellent ça Big Mac. » Oh, mais on sait pas ce qu'on mange dans les trucs. Je trouvais ça très, très drôle. Oui, alors que dans le Krusty Burger, on sait vachement ce qu'on mange. Oui, c'est ça. C'était vraiment très bien pensé, que c'était très très drôle comme critique aussi. Ouais. Et puis, non, après, à côté de ça, je n'ai rien d'autre que j'ai en tête. Mais ça m'intéresse plus trop, en fait. Les Simpsons m'intéressent plus trop en soi. Je veux dire que je vais retomber sur un épisode des Simpsons, je vais le regarder. Bien sûr. Mais je ne suis plus trop sur ça. J'ai même un peu évolué là-dedans aussi. Hein. Faut pas. On évolue. Oui. Puis les saisons qui arrivent ne sont pas mes préférées. Donc, avoir du merchandising des Simpsons, il y a juste un regret que j'ai. C'est qu'en ce moment, j'ai une énorme période Lego. Et à l'époque, il y a eu un Simpson avec la maison des Simpsons en Lego. Ah ouais. Et ça, j'aurais bien aimé la construire. Ouais, ça, en revanche, j'aurais bien aimé l'avoir. Malheureusement, ça, je ne l'ai pas eu. Et puis, il y avait aussi des... il y a eu énormément de merchandising. On ne peut pas tout citer, hein, c'est pas possible. Mais il y a eu... des cartes à collectionner. Il y a eu des cartes à collectionner. Il y a eu des Cluedo, il y a eu des Monopoly, il y a eu des échecs, il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a eu donc le TCG, Trading Card Game, etc. Des caleçons. Je réfléchis, est-ce que j'en ai encore? Oui, j'en avais un. J'en avais un avec des donuts. J'avais un boxeur avec des donuts, mais je sais plus si je l'ai encore celui-là d'ailleurs. Donc il y avait des trous dedans, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'était un boxeur percé. Ah bah c'est du propre. Donc voilà, c'était. Ben là, on a quand même pas mal résumé la saga. Ouais. Est-ce que t'as un mot conclusion de tout ça? Pinaise. Non, j'ai une question. Si, j'ai une question pour toi. Une question pour toi pour terminer l'épisode, le podcast. Par où on pourrait commencer pour quelqu'un qui ne connaît pas la série ou quelqu'un qui n'avait pas accroché? Alors j'en ai parlé avec des gens qui étaient aussi fans des Simpsons mais qui étaient plus jeunes. D'accord. Et en fait, il y a un gros problème, c'est que... Alors Disney Plus le fait, ça je trouve ça très louable, mais il y a un gros problème, c'est que les gens sont très rebutés par le format 4 tiers. Ah ouais. Alors pourquoi, je sais pas. C'est marrant, mais bon, ça. Bref. Oh, c'est la flemme. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a pas... Même sur une télé HD, ça reste potable, mais... Ouais, mais tu sais, à une époque, on colorisait, vraiment de manière très très dégueu, hein, mais on colorisait les séries en noir et blanc, justement, pour respecter le standard habituel, et des fois, ça peut rebuter, donc peut-être que ce format-là, les bandes noires... Du coup, sur Disney, Disney le fait, en fait, si tu veux, tu peux choisir. Ouais. Soit tu peux cropper... Mm-hmm. Donc rogner... En 16/9, quoi. Ouais, donc du coup, tu auras un 16/9, mais donc du coup, tu vas perdre de l'image. Ouais, en haut et en bas. Soit tu peux le mettre en 4 tiers. Alors, le truc est... Je vais regarder en même temps que vous... Vous écoutez. Parce que c'est caché, hein. Non, c'est caché. En plus, le problème, c'est que sur Disney+, c'est caché. Oui, c'est une petite liste de paramètres, options, mais je pense qu'il faut voir au niveau de l'image. Il me semble que c'est format original, quelque chose comme ça. On clique sur les Simpsons, c'est marqué épisode suggestion détail, il y a marqué format remasterisé, ça mettra en 16/9. Pour moi, il est décoché. Oui, voilà. Ça veut dire que remasterisé, ça rognera le haut et le bas pour prendre tous les l'écran. C'est ça, exactement. Donc des fois, il y a des sous-titres et des blagues qui manquent. Quoi. Si je dois commencer une saga, je commencerai par les sagas de la saison 20, quand c'est en HD. D'accord. Parce que, ça va moins choquer, ça va moins... Enfin, c'est très potable, ça va être du 720p ou du... Oui, c'est en 16/9, quoi. Ouais, ça sera du 16/9, etc. Et donc du coup, ça va peut-être aider à commencer les Simpsons. Ouais. Mais après, on peut commencer aussi de la saison 1 et puis voir l'évolution. Je trouve ça très intéressant aussi, quoi. Mais ouais. Je commencerai par là. Mais on en avait parlé qu'il y en avait beaucoup de la nouvelle génération qui n'aimaient pas les anciens parce que justement c'était en 4 tiers. Et donc du coup, ça les gênait. Il y a peut-être les voix aussi qui ont évolué. Et il y a les voix qui ont évolué, mais les voix ça va encore en VF, à part de très rares occasions. Oui. Bart par exemple sur les derniers épisodes, c'est quand même assez correct pour une série qui a 33 saisons, c'est correct. C'est par là que je dirais qu'il faudrait commencer. Après, hein, tout le monde commence par où il veut. L'avantage, comme tu disais tout à l'heure avec les Simpsons, c'est que tu peux commencer un épisode de la saison 6, épisode 20. S'il n'y a pas de mal, quoi. Et puis enchaîner par la saison 9, épisode 10, enfin, il n'y aura aucun souci, quoi, pour ça. Ça, j'adore ça. Ben oui. Les séries où tu peux prendre un épisode comme ça, grappiller juste un épisode, ça, c'est. Surtout que dans les diffusions actuellement, on peut trouver donc en streaming sur Disney+, mais. Dans les solutions publiques, on va dire comme ça, c'est souvent la télé. Je crois que c'est le groupe M6, donc c'est W9 et 6 Ter actuellement, qui charcutent les épisodes au niveau des pubs. Ouais, oui. C'est, des fois, c'est en plein milieu d'une phrase, mais ce sera complètement dans le désordre à chaque fois, l'ordre de diffusion. Donc ça permet quand même de découvrir malgré tout. Ça fonctionne pour moi comme un peu comme Daria, tu vois. Enfin, on pourra sûrement reparler dans un autre podcast ça aussi. Oui. Parce que Daria, je crois qu'on aurait des choses à dire tous les deux. Tout à fait. Et donc du coup, c'est pareil, c'est des épisodes que tu peux reprendre comme ça, mais t'as toujours aussi ce côté... tu peux suivre, quoi. Enfin, franchement, les Simpsons, ça restera un truc pierre angulaire de ma vie. De la série d'animation. Ouais, c'est ça, c'est complètement de l'animation américaine. Ça, c'est clair. Que ce soit l'animation, la série, comme tu parlais de la sitcom, ouais, c'est complètement culte. C'est un incontournable. C'est incontournable. Ça a créé... c'est aussi culte pour moi que South Park, que... Mais même si je connais pas que les Griffins, etc., que maintenant Rick et Morty... Honnêtement, je dirais plus. Les Simpsons, plus. Oui, les Simpsons ont mis des bases. Parce que la longévité de la série, en plus de ça... Il y a eu des trucs avant, tu vois, avec les Hanna-Barbera, tu vois, enfin, par exemple avec les Flintstones, que j'essaie de retrouver tant bien que mal, que je ne retrouve nulle part. Oui, les pierres à feu, Si quelqu'un arrive à me trouver un lien quelque part de ça, mais je ne trouve pas... N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Oui, clairement, parce que c'est... Si vous êtes à ce niveau-là de podcast, oui, clairement, parce que c'est... introuvable, mais même en légal, hein, je parle, hein, même en légal, je cherche. C'est hein. De ça qu'on parle. Hein. C'est légal ou illégal pour moi, hein, en revanche, hein, je le cache pas. Non, je le cache pas parce que c'est pas trouvable. En plus, je suis même pas sûr que ça soit si illégal que ça parce que il y a plus rien en distribution, plus rien. Même les DVD, c'est des DVD à l'américaine avec des fois une voix française qui traîne. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a plus rien. Plus rien n'est disponible. C'est complètement détruit. Alors pour les Simpsons, il y a un archivage, quoi. Mais il y a un archivage parce que c'est sorti en DVD. Il y a le streaming, bien et sûr. Et Disney Plus a repris et a ressorti le truc. Mais, Anna Barbera, il faudrait que je me renseigne sur qui a les droits de ce truc-là maintenant parce que c'est pareil, hein, c'est des histoires de droits. Je pense qu'à l'époque, c'était diffusé. Je ne sais même plus sur quoi c'était diffusé. J'ai des souvenirs que c'était diffusé sur Canal, mais je ne pense pas. Enfin bref, là encore, on digresse. Grèce. Mais du coup, c'était vraiment la base, tu vois. Et ça a évolué, et les Simpsons ont fait cette transition entre ce sitcom d'Anna Barbera, parce que c'est quand même des épisodes qui duraient 5-6 minutes, et les Simpsons ont commencé par des épisodes qui ont duré 5-6 minutes, oui. À ce qu'on connaît maintenant, des épisodes de 20 minutes, et maintenant ça devient la norme. Oui, c'est la norme, ouais. Normatif de faire des épisodes de 20 minutes, c'est très rare que tu trouves des épisodes de moins ou de plus. Mmh. Et donc du coup, c'est devenu mythique, et les Simpsons ont posé cette pierre-là. Maintenant, c'est moins le cas. Les Simpsons, c'est devenu une série lambda. Ils dénoncent beaucoup moins. En plus, avec Disney, ils ont beaucoup plus lissé le... Non, mais c'est vrai, hein, Disney, c'est pas parfait pour ça. Hein. C'est très bien parce que du coup, tu vas avoir tes épisodes comme tu veux, comme ça, un coup d'œil sur une plateforme de streaming. Mais... Quand tu veux, ouais. Mais maintenant, vu que c'est eux qui chapeautent tout, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme Star Wars, c'est un peu comme Marvel, c'est un peu comme tout ça. C'est que ça lisse très vite ça. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un mastodonte qui va faire ça. Alors Matt Groening est assez libre de ses choix, et donc du coup on voit ça, mais à côté de ça on voit que sur Disney+, récemment il y a eu des mini-épisodes qui sortent, donc il y a eu un mini-épisode sur Star Wars qui est assez rigolo, d'ailleurs celui-là en revanche, t'as des mini-épisodes qui sont mais véritablement, on fait mais qu'est-ce que ça fout là quoi, enfin je veux dire, ça a rien à faire là. J'ai pas les noms en plus, j'ai même pas les noms ici. Il y a eu un truc avec Bad Bunny, je pense que c'est un chanteur, je connais pas, il s'appelle Tedeseo Lomeror. Si. Oui, d'accord. Ok. Oui, quand Billy rencontre Lisa, donc Billy, c'est, je sais plus, c'est la chanteuse, c'est quoi Billy. Eilish. Billy Idol. Billy Eilish. Eilish, voilà, c'est ça. Billy Eilish. Tu vois, mais je connais rien de tout ça. Donc Billy Eilish qui fait un épisode, mais c'est, on a plus l'impression que c'est de la pub. Oui, c'est ça. Qu'autre chose, c'est très triste. Ou même ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai, ouais, c'est ça. Au départ, c'était parce qu'ils aimaient bien l'artiste, et là, on a l'impression que bon, tu vas faire ta promo. Oui, il y a des trucs qui sont pas trop mal, mais comme tu vas te dire qu'une pub, c'est pas trop mal. Enfin. Oui, voilà. C'est pas le même. C'est pas du tout le même message, quoi. Non, c'est pas le même message. C'est pas drôle. C'est pas bien. C'est pas. Bon, bref, je pourrais en revenir très loin, mais c'est un peu triste, quoi. C'est pour ça. C'est un peu triste. Futurama, Désenchanté. Ouais, mais. Matt Groening a fait des. Ça, on en parlera, je pense. D'autres créations en parallèle. L'histoire de Futurama est très intéressante pour ça, parce que justement, elle fait un pied de nez à celle des Simpsons. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils partent dans une direction qui était plus ou moins pareille à un moment. Ouais. Pour après prendre contre-pied total et être beaucoup plus critique, etc. Les Futurama, c'est véritablement un truc particulier. Et Désenchanté, c'est encore différent. Est-ce qu'on peut le dire, que Matt Groening a inscrit ses initiales dans Homer? Oui. Finalement. Oui. On peut le dire. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Donc regardez bien. Regardez bien. Il n'a pas beaucoup de cheveux, hein, Homer. Il y tient, mais il n'a pas beaucoup de cheveux. Mais regardez bien les cheveux qui sont juste au-dessus de son oreille. Et lisez bien verticalement. Vous trouverez très certainement les initiales du créateur des Simpsons, Matt Groening. Ouais. Eh bien, c'est sur cette petite anecdote et plein d'infos, hein, cette bien, ouais, bah oui. Très très sympa. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Bah moi aussi, ça faisait longtemps que je voulais parler des Simpsons. Simpsons. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait dans les cartons, celui-là. Ah bah, ouais, on n'a pas attendu longtemps. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le deuxième, on n'a pas attendu longtemps. Et puis c'est surtout qu'on voulait inscrire le podcast. Pas que dans le jeu vidéo. C'est ça. Et donc, on voulait le mettre dans une dimension un peu pop culture, véritablement. Et ça me plaît beaucoup. Et ça nous plaît beaucoup, j'espère. Et puis bien sûr, bien sûr. Et quoi de mieux qu'une saga la plus longue d'animation en tant que série pour avoir un peu de contenu. Mais c'est une belle mise en entrée pour après pouvoir parler de sagas qu'on connaît tous les deux et qui sont un peu plus obscures. Bien sûr. Et ça, pour notre plus grand plaisir. En effet. Et bien, on espère que l'écoute de ce podcast spécial Simpson, podcast Lunexus, vous aura plu. Abonne-toi, mets la cloche. C'est ça, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Deezer également. Exactement. Et dans les liens, je mettrai deux liens, je pense, pour la vidéo. Ça sera Simpson Park, oui. Qui est un très très chouette site sur l'univers des Simpsons. Une vraie pépite. Et un Abandonware. Pour les Simpsons Hit and Run, pour télécharger légalement le jeu Simpsons Hit and Run sur PC. Notre jeu préféré des Simpsons. Exactement. Merci beaucoup. Salut. Salut à tous.